Bonjour, direct du 23 décembre 2021. C'est peut-être le dernier direct avant 2022, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir d'avance. Donc, nous verrons ça plus tard. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens en congé, quoi qu'il ait de bonne heure un peu. Il y a peut-être des gens ces temps-ci là, qui ne se lèvent pas aussi de bonne heure que ça quand ils sont en congé. Mais nous verrons bien. Ah, j'ai déjà. C'est étrange, ça, j'ai un pouce dans les heures, puis ça me dit qu'il n'y a personne. Ah, il y aurait 4 personnes. Bonjour, Sozo, CP, bonjour. Camille, bonjour, Camille. Donc, par rapport au dernier live, je suis allé répondre à des gens qui avaient écrit des commentaires, puis par après, il y a d'autres gens qui sont venus réécrire, mais je ne me suis pas connecté, donc je n'ai pas réécrit. Bonjour Carole, Stéphanie Côté. Donc, bonjour la Vestale. Donc, oui, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, dit, peux-tu élaborer sur l'enfant intérieur qu'il faut mater? Bonjour Taranis. Donc, l'enfant intérieur qu'il faut mater. Ben là, je pense que vous savez, s'il y a un certain discernement, puis. Je pense que vous devez vous douter qu'au niveau de vivre une certaine mémoire, à une époque où la psychoaffectivité est un peu immature, ça peut engendrer une mémoire qui est dysfonctionnelle, des blocages, ainsi de suite. Le pire, c'est que ce n'est pas en contradiction avec ce qu'on pourrait appeler la psychologie conventionnelle. L'affaire, c'est que dans la psy, il y a eu une mode à un moment donné, Jungienne, bonjour Jean-François. Il y a eu la mode de la psychologie des profondeurs et puis l'enfant intérieur et tout. Et puis, on a beaucoup mis sur un piédestal certaines choses. Alors qu'au fond, ça peut nuire jusqu'à un certain point à l'intégration. Mais là, c'est qu'il y en a, ils vont considérer que pour avoir une intégration harmonieuse et régler certains conflits, il fallait avoir avec l'enfant intérieur, si vous voulez. Il y a de la projection, là, comme si. Mais non. Je veux dire, comment je pourrais dire ça? Il faut à un moment donné que. Il faut qu'à un moment donné qu'il y ait un non-retour, une incapacité de retourner à un état plus immature. Donc, il faut qu'il y ait une renaissance sans cesse. Donc, il y a des parties inutiles qui doivent mourir. C'est à ce niveau-là que l'enfant intérieur, en tant que mémoire, psycho-affective immature. Si vous voulez l'intégrer d'une façon harmonieuse, il faut briser sa forme pour y intégrer l'énergie. Donc, entretenir de la mémoire par rapport à ça peut être dangereux, peut être malsain. Comme justement, il y a des gens comme ces temps-ci, là, c'est le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui vont devenir dépressifs. Pourquoi? Parce qu'ils retombent en connexion avec de la mémoire psycho-affective, puis une certaine immaturité. Et puis, c'est dangereux. Moi, mes yeux, c'est dangereux. C'est pas pour rien que c'est dans le temps des fêtes qu'il y a le plus de conflits familiaux. S'il y a de la mémoire psycho-affective ou qu'il y a le plus de suicides, c'est à ce niveau-là que l'enfant intérieur, il doit être maté. Tout simplement. Hein? Puis, c'est bon. Est-ce qu'il y a des commentaires, quelque chose? Plus capable de dormir, trop rendu vieux. Ah bon, ben vous savez, le matin, là, moi aussi, à un moment donné, je me réveille, là, il faut que je me lève. Quoique là, j'aurais pu quand même aller me raser, là, je vois ça. Ça me tente pas. J'ai déjeuné, puis par rapport à la bourse, ça bougera pas un certain bout de temps aujourd'hui, puis c'est toujours un petit peu tranquille avant le temps des fêtes. Il y a eu bonjour Marie. Il y a eu François Legault hier. Là, il décide qu'il va nous accorder un Noël, mais qu'après les fêtes, là, après le 25, ou je ne sais plus, c'est à partir du 26 ou c'est à partir du 1er janvier. Bonjour Virginie. Que là, ça va être 6 personnes. Mais vous savez quoi? Les gens ne le prennent plus autant au sérieux. Et il y a une certaine usure qui se fait. Et je pense que les gens s'en foutent pas mal plus qu'avant. Puis que, justement, là, on a vu, là, bonjour, Lindus, on a vu, là, l'année passée, d'ailleurs, le petit bonhomme de neige, on a vu l'année passée, Vous savez, des policiers qui essayaient de sortir de force des gens de leur maison parce qu'il y avait un rassemblement, puis ils n'avaient pas le droit de les arrêter à l'intérieur, donc ils essayaient de les tirer hors du cadrage de la porte d'entrée pour les tabasser dans des bancs de neige. Je pense pas qu'ils pourraient se permettre de faire ça cette année parce que les gens sont moins. C'est pour cela qu'ils vont mettre des mesures draconiennes. On verra. On verra peut-être à l'extérieur. C'est où que j'ai vu ça? En Grèce, ils ont désormais obligation de porter le masque à l'extérieur. En tout couvre-feu, barrage, oui. Ben oui, non, les gens sont bon. Mais je trouve, j'ai trouvé ça long. Dès le début, c'était qu'ils mangent la marde des autres là avec leurs histoires. Mais les gens, c'est trop long. Puis ce qui a été cédé ne sera pas redonné nécessairement. Puis ils y vont à tâtons. Ils testent toujours. Ce qu'ils prennent, c'est toujours parce que les gens le leur donnent. Il y a une majorité qui le leur donne. C'est pas pour rien qu'ils vont à tâtons. Donc, oui, les barrages, je pense aussi qu'il va y avoir un reconfinement. Mais ça, je l'ai dit depuis quoi, 4 mois? Depuis le dernier, les dernières. En tout cas, je pense qu'il va y avoir un couvre-feu, qu'il va être plus tôt. Pas nécessairement tout de suite, là, mais c'est parce qu'il va toujours avoir une majorité de gens naïfs qui sont d'accord. Pourquoi? Parce que par les médias, on a créé chez eux de l'angoisse et que ça leur permet d'évacuer de l'angoisse, ces mesures-là, donc ils sont d'accord. Et au lieu de diriger leur ressentiment et leur colère vers les gens qui sont à la source de leur perte de liberté, c'est-à-dire nos gouvernants, ils vont le diriger vers des gens comme vous et moi, par exemple. Donc, bon matin, Chantal. Virginie, en France, la chasse aux non-injectés est ouverte. Faut-il éliminer le groupe témoin? Oui, vous n'avez pas tort, là. Parce que ça démontre beaucoup de choses qu'il y ait des gens qui ne sont pas inoculés, notamment ça sert de groupe témoin pour démontrer l'inefficacité de leur inoculation, entre autres. Bonjour, Mystère Guerrière. Donc, oui, et puis tant que la chasse est ouverte pour les non-injectés, ben, la chasse est fermée par rapport aux gens qui sont réellement responsables. Qui sont réellement responsables de la débâcle, notamment au niveau de l'économie, comme M. Macron. M. Macron, que dans un monde normal, il serait déjà en train d'être jugé. Donc, bon. Au Québec aussi, il hausse le ton des non-injectés. Ben oui, mais vous savez, moi, ça m'impressionnera pas. Quelqu'un qui n'a pas cédé jusqu'à maintenant ne cédera pas plus tard. Il va y en avoir, oui, mais la plupart, là. Puis ils le savent d'ailleurs dans les médias, là, vous avez les haut-parleurs là, au niveau là, de TVA, par exemple, comme Emmanuel Latraverse, là, puis tous ces comiques-là, là, Humpty Dumpty, là, Michel Céaugeot, Michel, je ne sais plus c'est lequel des deux, celui qui ressemble à Humpty Dumpty, là, puis toute la gang de comiques, là, ils ont oh, les gens qui ont possédé à date, ils céderont pas, puis là-dessus, là-dessus, ils ont raison. Donc, y a-t-il un vrai virus ou c'est juste la. Ben oui, oui, madame. Ben oui. Il s'agit, si on peut, on pourrait parler d'armes biologiques qui servent de justificatif au niveau d'un agenda transnational. Ça a été commandité et fabriqué à l'étranger et relâché en complicité avec les fabricants qui ont été commandités. Puis ce sont ceux qui ont commandité ça au niveau transnational qui s'en servent comme justificatif. Désolé, mais oui, il y a quelque chose. Moi, j'ai jamais nié, hein. J'ai juste dit, ben oui, mais c'est juste une grippe dès le début, bien avant que ça ait traversé jusqu'en Amérique du Nord ou même en Europe, je le disais déjà, puis ils en parlaient à peine dans les médias à ce moment-là. La nouvelle chasse aux sorcières, moi, ben, vous savez, j'en aurais long à dire sur ce qui s'est passé à la Renaissance, les chasses aux sorcières. Jamais je ne céderai à ce chantage. Ben, si vous êtes comme moi, non, vous ne céderez pas. Le variant Omicron quasi asymptomatique serait un vaccin. Ben oui, Oui, il semblerait qu'ils ne l'ont pas prévu. Ils essaient de faire peur aux gens avec, mais au fond, il s'agit d'une inoculation qui peut servir la population parce qu'il va y avoir, en tout cas, j'ose pas trop parler de choses comme ça sur YouTube parce que nous sommes surveillés. Je pense même qu'un vrai virus serait relâché. Ceci était, oui, moi aussi, je m'attends à quelque chose de. Il va y avoir un. Moi, ce que j'ai. Ce que je dirais, il va y avoir un variant R, un variant rho, si vous voulez. RHO, accent circonflexe, et là, ça va être dangereux pour vrai. Mais nous verrons bien. Nous verrons bien. La vraie arme de guerre va être celui-là, d'après moi. Une fois à cet égard, ben oui, un virus, oui, il va finir. Ils vont finir par. Ils n'ont pas commandité juste des petites choses, là. Ça coûte cher en plus, ces choses-là. L'arme biologique ne serait-elle pas plutôt dans les. Oui, aussi. Il faut. Une guerre, c'est sur tous les fronts. Donc, pourquoi pas? Parce que ça prend un justificatif, puis ensuite, il va y avoir une technologie. Mais là, la technologie, pas nécessairement biologique, celle-là. En tout cas. Autriche engage des citoyens normaux pour chasser les non. Ah oui, ensuite Québec. Avant-hier appelle l'armée pour aider à Wall sur leur troisième. Et Dubé hier qui dit qu'il pense à pas. Ouais. Moi j'ai vu ça, mais ils peuvent pas faire ça tout de suite. Ils vont créer un soulèvement, puis il n'y a pas encore les effectifs pour mater la population. On n'est pas là encore. Donc, on n'en est pas là encore. Mais j'en parlais déjà il y a 2 ans et demi. Dans le sens que ça, on peut le voir venir. C'est pas madame, c'est monsieur. Ah, ben, excusez-moi. Excusez-moi. Ben oui. Ah, bon. Bon. C'est parce qu'ici, au Québec, souvent, Camille, ça va être une dame et Camille, un homme. Mais là, si vous me dites ça, mais oui, c'est à la fois masculin et féminin, comme Emmanuel. Donc, bon, ben, pardonnez-moi. Le sigma est dans les tuyaux. Mais c'est déjà passé, cette lettre-là. Ben, ils ont dit qu'ils cessaient de. Vous savez, moi, dans ma ville, j'ai un maire extrêmement incompétent qui n'a pas mis ce qu'il fallait sur l'aqueduc, au niveau de l'entretien de l'aqueduc, ce qui fait qu'il chlorifie l'eau. Donc, je ne pense pas qu'un variant survivrait, parce que je vais être franc avec vous, l'eau, là, l'eau du robinet, donne des maux d'estomac à des gens que je connais qui n'en avaient pas avant. Mais c'est lié à du chlore dans l'eau. Il faut j'ai expliqué à un moment donné comment, pas sur la chaîne, là, mais comment faire évaporer le chlore comme il faut, parce que c'est volatile là, à ce niveau-là, mais il faut l'aider un peu. Bonjour Saul. Christopher Bauer, je sais pas si vous comment prononcez Bauer ou Bauer, en tout cas. Exact, c'est toujours un processus à long terme, sinon le chaos est engendré d'une façon trop incontrôlable. Oui. Exactement. Puis vous savez, c'est l'ordre par le désordre, au fond. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Et si c'est une question de gouverner, d'imposer un ordre par du désordre, c'est comme le Maharaja là, qui relâche son tigre pour ensuite le recapturer, puis le relâcher, le recapturer. C'est une question de dosage et de timing. Puis il y a des gens qui ont énormément ennui, à mes yeux, à un éveil collectif. Surtout, entre autres, en disant, ne faites rien vous-même, nous, on va vous protéger. Comme la fameuse là, conférence de presse avec Stéphane Blais qui allait faire une conférence de presse flanquée d'un côté de Guy Bertrand, la Corneille, puis de l'autre côté de Doudou Cazot, Jean Cazot, qui d'ailleurs n'a rien dit de la conférence de presse, il semblerait, c'est clair, si j'avais, étant donné que moi aussi, je suis un peu un weirdo, J'irai pas discréditer des gens que je veux aider en étant présent, en faisant acte de présence là devant, en avant, devant tout le monde, là, à une conférence de presse. Si Cazot, s'il voulait aider, il fallait qu'il reste caché. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec eux autres, j'ai bien de la misère. Ça m'avait mis tellement en colère dès le début. Dès le début. En tout cas, bonjour, oui. Oui, OK. Les gens sont pilotés dans leurs pensées et dans leurs actions. Ils ne peuvent pas se soulever. Voilà. Ben oui, mais c'est des techniques de gestion des masses, de psychologie de masse. C'est pour ça qu'il y a 5 ans, j'avais beaucoup parlé de Gustave Le Bon. J'ai beaucoup parlé de la géométrie sociale, notamment là, qu'il y a moyen de synthétiser. Même la psychologie des foules et de l'individu à travers les structures sociales par de la géométrie. J'ai beaucoup parlé de ces techniques-là. Pourquoi? Parce que ça se sentait que ça allait être appliqué de plus en plus, d'une façon plus intense. Pourquoi? Parce qu'il y a certains agendas qui arrivent à terme. Puis, je voulais faire, si vous voulez, un peu un peu du sabotage à ce niveau-là, dans le sens de donner des clés aux gens. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire en se prenant au sérieux parce que sinon, on se fait repérer tout de suite, puis il fallait que ce soit dosé. Mais quand même, donner des clés, de donner des clés, puis d'expliquer c'est quoi la psychologie de masse, c'est quoi la psychologie des foules, c'est quoi l'induction par les médias, l'induction de pensée par les médias, c'est quoi la suggestion mentale, est-ce que c'est applicable aux foules, c'est quoi ces choses-là, parce que c'est une guerre. C'est réellement une guerre. Puis, il reste que je suis quand même déçu. Je suis quand même déçu parce qu'il semblerait que c'est, je dirais pas perdu d'avance, mais ce qu'on fait, ça peut agir au niveau d'individus, mais pas au niveau des masses. Parce que la majorité manipulable, d'ailleurs, même il y a 10 ans, j'ai toujours été contre l'idée d'une démocratie comme on l'a, parce que la majorité est manipulable. Ceux qui contrôlent la majorité vont toujours avoir le pouvoir. Puis ce ne sera jamais objectif, la démocratie à ce niveau-là. Donc, bon. La plus grande perte d'énergie, d'espérer le réveil des oiseaux. Vous avez raison. Mais ce n'est pas une excuse pour être inactif. Il fallait quand même faire quelque chose. Beaucoup plus une envie de se faire confirmer qu'on n'est pas seul à voir ce qu'on voit. Je m'accroche à moi-même. Oui. Parce qu'il va falloir résister individuellement, si je puis dire, à défaut de pouvoir. Nous vivons dans un système tellement hypocrite, tellement malsain. Juste au Canada, c'est carrément des techniques de la CIA qui sont appliquées contre les gens. Comme par exemple en Alberta, les SCRS sont allés essayer de se servir d'arriérés mentaux pour leur faire commettre des actes terroristes pour ensuite que ça serve à justifier des actions de la part de l'État. Ce genre de technique-là, c'est totalement malhonnête, là. C'est lié à. Il y a eu quelque part une nazification de notre système, là. C'est n'importe quoi. La télévision permet une manipulation massive des foules. C'est un peu écœurant. Ben oui. Puis ça a été appliqué dès les années 50. Vous savez, là, l'écran cathodique, le tube cathodique est une invention de Crookes. Vous savez, le physicien britannique Crookes, monsieur qui était très versé dans la magie, dans certaines choses. C'est clair à mes yeux que ça a été créé pour ça. Et puis d'ailleurs, si vous regardez les programmes des années 50, c'est particulièrement débilitant. C'est particulièrement stupide, c'est ridicule. Des conneries, les premiers jeux télévisés, puis. Au Québec, là, dans le temps, en noir et blanc, il y avait eu la poule aux œufs d'or. Puis là, ah, Madame Thériault vient de gagner un beau 5 cents. C'était des décors avec de la pogue. Des vraies poules. Je pense que le summum de ça, j'ai longtemps pensé qu'au Québec, le summum là, de la stupidité, ça avait été TQS. Mais étant donné que ça a tout le temps été un peu bas de gamme, finalement, c'est Télémétropole, TVA. Qui est devenu le summum de la merde, de la manipulation, là. Puis regardez Pelado, lui, il a surtout pensé quand il y a eu toute cette. Quand il y a eu les débuts de cette crise-là, puis tout lui, c'était de vendre des bracelets de distanciation sociale, les bracelets Radius. Ça n'avait même pas été annoncé quasiment, puis c'était déjà fabriqué, ces bracelets-là. Vous savez, là, Pierre-Carl Péladeau, là, si vous l'entendiez parler en privé là, ou au téléphone, là, comment ce bonhomme-là est mal engueulé, comment il n'y a pas de classe, les gens n'en reviendraient pas. Il n'en reviendrait pas, comment on en fait un petit bonhomme vulgaire, au fond, même si c'est un grand monsieur, là, physiquement. On est gouverné par des médiocres à tous les niveaux. À tous les niveaux. Pourquoi? Parce que ce sont des exécutants. Bon. Ils ont, pour avoir le privilège d'être un pelado, il faut. Surtout, on est prêt avec des héritiers, c'est jamais bon signe. Justin Trudeau, c'est un héritier. Pelado, c'est un héritier, c'est jamais bon signe, ça. On en fera de la médiocrité. La première émission de télé-réalité française avait pour logo un gros. Oui, Love Story. J'ai jamais écouté ça, ces affaires-là, parce que bon. Je ne suis pas le public cible, mais oui. Avec la réduction de la population mondiale planifiée, pourrait-on se retrouver avec deux canons injectés contre l'élite manipulatrice? Ça serait pas égal comme à cause d'une certaine technologie qui est cachée aux gens. Ce serait un combat inégal. Vous savez, on pourrait même pas vivre comme des troglodytes sous terre parce qu'ils ont maintenant des capacités de voir dans le sol avec certaines technologies. Donc, il va falloir, ça va prendre des interventions inattendues. Il va y avoir de l'inattendu. Moi, personnellement, je suis pas au désespoir. Le nazisme n'a jamais disparu et a bien infusé tranquillement. Pas vite, même les techniques de management n'en sont inspirées. Oui, ben, c'est qu'il y a eu beaucoup au niveau de l'Allemagne nazie, il y a eu beaucoup d'efforts de mis à faire des expériences de psychologie. Parce qu'une des choses, eux, c'est leur grand dada, c'est le contrôle à tous les niveaux. Donc, c'est certain qu'ils ont énormément étudié la psychologie. La guerre, la vraie, vraie guerre psychologique, ça commence un peu avec eux. Puis, vous savez, aux États-Unis, le département de la guerre psychologique, c'était un colonel qui était à la tête de ça. Comment il s'appelle ce bonhomme-là? Le fondateur du temple de Seth. Imaginez là où on en est là, parce que lui, il est plus, il est à sa retraite maintenant. C'est quoi donc son nom? Je me souviens jamais de son nom. C'est un monsieur avec des sourcils là, comme Jacques Languirand, là, on dirait une vieille chouette. Il me semble qu'il y a un nom, il y a un nom de famille hispanique, mais je suis plus sûr. En tout cas, lui, c'était le colonel. Ce colonel-là est en charge du département de la guerre psychologique pour les Américains. Et cet homme-là, c'est lui qui a fondé dans les années. Fin 60, début 70 ou fin 70, le temple de Seth aux États-Unis, qui, au fond, là, c'est toujours les vieilles techniques d'hier côtoient celles d'aujourd'hui, puis ces gens-là appliquent des synthèses. Donc, en tout cas, ne sont gouvernés que ceux qui l'acceptent. Non, là, je ne serais pas d'accord. Savez-vous pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin du consentement de quelqu'un pour le contrôler, au contraire. Si on le voit par la suggestion mentale. Donc, bonjour rayon jaune. La psychologie facilement observable d'engendrer des réactions de masse qui justifient. Ben oui, voilà. Oui, c'est simple comme bonjour, c'est pas compliqué, là. Michael Aquino, oui, et voilà. Et voilà. Ça, c'est vraiment quelqu'un de. Ben, même, j'oserais même pas dire quelqu'un. Michael Aquino est quelque chose de déplorable. Vraiment, là, puis il n'y a personne qui parle de ça. Même, je suis surpris que quelqu'un me sorte son nom. C'est vraiment une monstruosité. Une monstruosité. Que ce bonhomme-là, il peut être un grand officier, là, de l'armée américaine et puis avoir un département, puis des budgets, si vous voyez les budgets. Ce qui est juste qui est une en tout cas. C'est vraiment horrible, là. On est dans de le ça dépasse la fiction, là. Ah, c'est ce que je voulais dire tantôt. Je sens qu'il va y avoir un revirement. Des situations très rapides, ils semblent accélérer l'agenda en deuxième vitesse parce qu'ils savent que leur fin est proche. Ben, moi, à date, je considère qu'ils suivent leur affaire, là. Il semblait avoir pris du retard à un moment donné, mais là, on est même contrôlé dans ce qu'on pense même quand on n'est pas dans le narratif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour mes enfants? J'espère que oui. Mais oui, fort probablement. Il y a des ressources insoupçonnées dans l'être humain. Bonjour Lionel. Bonjour René. Est-ce que vous pensez que les gens arrivent bien à communiquer avec leur double? Oui, mais c'est inconscient. Ah, c'est très inconscient comme phénomène, comme processus. Prenez quelqu'un comme Pierre Jovanovic, là, puis son livre sur les anges gardiens. Il y a des phénomènes liés à de la communication avec le double là-dedans, mais on donne encore des mots comme ça. C'est encore des termes comme ça qu'on utilise pour en parler. Le phénomène est spiritualisé. Ça passe à travers l'âme collective, donc la mémoire. Donc, c'est subjectif, c'est là. Okay. Bonjour Vincent. Beaucoup de choses à dire. Bon, ça dépend de vous si vous voulez. Allez-y. C'est un grand malade Aquino. Oui, ça, vous pouvez le dire. Je dirais même, est-ce qu'on peut considérer cette personne-là comme une personne malade? Je le considère presque comme un symptôme d'une maladie. C'est vraiment des gens... Vous savez, là, on a mis beaucoup d'avant, on a beaucoup dénoncé des choses grotesques, là, comme Anton Lavey, puis des choses comme ça, alors que Michael Aquino, c'est beaucoup plus sérieux, là. Hey, avez-vous vu les budgets qui ont été accordés à sa guerre psychologique, à son département, à ses aux expériences qu'ils font en cachette? Je pense que nous consentons occultement à être gouvernés. Oui, ça veut dire, mais c'est pas un réel consentement. Parce que si c'est pas occulte, si c'est inconscient, si c'est pas une part qui est conscientisée d'une façon au niveau d'une conscience intégrale, c'est pas un consentement réel. Donc, disons que si l'obligation arrive et arrivera, je me prépare tranquillement à partir en forêt. J'ai pas l'illusion que tous problèmes seront réglés une fois là-bas. Ouais. Ben, vous êtes... je sais pas, moi, ce que je vais faire. Si ça arrive, là, j'ai aucune idée. Ben, je savais même pas que je ferais un live ce matin. Donc, imaginez, là. Mais il y avait quelqu'un, à un moment donné, une dame qui avait canalisé et voyait des gens se sauver dans les bois. Puis ça, c'est il y a quelques années, là. Il n'y avait pas COVID, là. Et tu sais, les gens vont se sauver. Il y a des gens qui vont se sauver dans les bois et envoyer des espèces de technologies pour essayer de les... Moi, j'ai pas envie de vivre dans les bois. Puis j'ai pas envie non plus d'être inoculé. J'aimerais mieux, là, ben franchement, là, j'aimerais mieux faire front. Puis que d'aller me sauver dans les bois. Le domaine supramental est-il surveillé par les autorités? Mais oui, certainement. Même il y a 4 ans, à peu près 4 ans, j'en parlais en entrevue, je disais, nous sommes infiltrés. C'est certain. Voyons donc. C'est-tu fait allusion à l'espoir, mais il me semble que c'est un mot. Et auparavant, pour moi, moi, c'est pour ça que j'ai pas de désespoir, mais j'ai pas d'espoir vraiment non plus. Des fois même, j'ai l'impression comme si... j'essaie de ne pas y penser à ce niveau-là parce que ça devient de la projection, mais il reste qu'il faut quand même être lucide. Donc, prévoir, c'est pas nécessairement subjectif parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais bien franchement, là, on dirait que ce qu'ils veulent, c'est une guerre civile. Il y a tout le temps quelques... Il y a la vraie caste qui gouverne est toujours en dehors des conflits. Donc, si les masses se mettent à faire la guerre aux gouvernants, ça veut dire qu'il y a une partie tierce qui est en dehors de tout ça qui va avoir opéré ça. Donc, bonjour Stéphanie. Donc, par rapport à tout ça, au fond, qu'est-ce qu'on veut? Ah oui, la vision thermique. Facilement utilisable sur moi. J'étudie les technologies pour moi. Ouais. Bref. Ça va encore plus loin, là, que ça encore. Prévoir, être prêt à voir, moyen. Sans vouloir tomber dans le langage des oiseaux, là. Mais, moi, ouais. Vous savez, le langage des oiseaux, ça me lasse, ça m'ennuie. Ça a presque l'ambiance, là, dans le temps, là. Charivari avec Guy Mongrain. Plusieurs versions de l'avenir sont possibles. Les plans peuvent moduler. Moi. Ouais, mais ce qui va arriver, c'est ce qui va arriver, pas les possibles qui vont pas arriver. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui arrive en ce moment, c'est ce qui arrive en ce moment, pas ce qui pouvait possiblement autrement arriver avant. Donc, en tout cas. Il y a une quinzaine d'années, là, quand j'ai découvert tout ça, là, comme Michael Aquino et ces choses-là, j'avais beaucoup de difficultés. J'y croyais comme je croyais pas en même temps que c'était factuel. C'est là que ça vient. Je vous remercie de faire ces lives. Ah ben, merci à vous. Quelle est la lecture de l'accélération soudaine alors qu'il y aurait pu dérouler leur agenda sans que personne ne se rende compte de rien? Ben, vous pouvez pas, parce que l'agenda est lié justement à la perception, entre autres. Donc, non, non, ils suivent un plan. Langage des oiseaux, c'est que ça fait juste tourner en rond. C'est ça, ben, j'ai pas mal le même sentiment. J'ai été surprise de tomber sur la notion de création de double en rapport avec métaverse créé par Facebook. Ouais, mais là, c'est pas pareil, là. Là, on parle plus de ce qu'on pourrait appeler un avatar virtuel. C'est un double subjectif. C'est pas pour être en con... C'est pour être en contact avec de la subjectivité. Donc, dans quelle catégorie de langage me classe? Je me classe pas dans une catégorie. Ben, franchement, de toute façon, il faut s'ajuster. Si je parle, dépendamment à qui je parle, je ne vais pas utiliser le même langage, je vais même pas y penser, ça va s'ajuster tout seul, donc je ne me classe pas. Je trouve que parfois le langage des oiseaux est une information, ça peut être gna-gna, mais aussi une autopsie de mots, oui. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est la vibration derrière la forme. Donc, vous savez, là, ça va être vraiment la vibration. Vous pouvez avoir quelqu'un qui dit quelque chose sous une forme, ça va avoir une vibration spécifique. Vous allez avoir après quelqu'un qui dit exactement la même chose avec les mêmes formes, et c'est pas la même vibration. C'est pas la même. Donc, c'est pas non plus la même. Ça peut pas être la même chose qui est dite. Pourtant, ils disent exactement la même chose selon les mêmes formes. Mais la vibration fait la différence. La vibration permet de voir au-delà de la forme. Puis, ça permet de savoir, vous savez, là, c'est comment je pourrais dire ça? C'est difficile à expliquer ça. Mais, c'est comme, ça m'est arrivé, là, d'avoir des gens qui, comme ça, c'est par la vibration que j'ai su. Que j'ai réellement su que quelque chose. Oui, bien sûr. Oups, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire. Est-il vrai que nous avons consenti à nous incarner à cette époque en sachant qu'on allait endurer cette période? Il semblerait que oui. C'est ce qui a été dit. Mais là, je ne peux pas, non, c'est pas vraiment à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a décidé quoi? Parce que c'est l'ego de là maintenant qui endure. Donc, comment peut-il avoir consenti sous une autre forme où il n'est pas l'ego là maintenant qui endure? En quoi c'est réel un consentement comme ça? Quand il y a une vibration, cela fait réagir même si on dit le même mot. Ouais. Ben, c'est comme j'ai vu des gens dans le domaine supramental dire des conneries, mais des conneries, là, mais pourtant la vibration était élevée. Puis c'était stimulant pareil. Donc, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le. Parce que c'est un phénomène qui se comprend pas. C'est des choses qui. Bonjour, dit Collier. Bonjour, Didier. Ah, franchement, on est maso si on a choisi. Ben, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est l'ego qui endure maintenant, qui peut avoir consenti? Il y a quelque chose qui n'était pas réel là-dedans. Si vous vous saoulez, là, puis que vous devenez votre avec complètement différent, là, dans un état d'esprit complètement différent, puis que je vous fais signer plein de contrats, là, comme je vous fais signer un contrat de mariage avec Rosie O'Donnell, puis tout, puis là, le lendemain matin, je vous dis « Ah, t'as consenti! » Est-ce que c'était vraiment vous? Mais non. Donc, la colère de devoir apprivoiser un ego si gamin. Ben, je trouve pas mon ego si pire. Vous savez, une fleur n'a pas le choix d'être un bouton avant d'être une fleur. Donc, on peut pas être en colère tant que ça. Là. Il y a un développement, on est dans de l'espace-temps, on est incarné dans du linéaire, donc il faut accepter ça. Mais si la colère peut être transmutée en volonté d'endurer ça, d'une façon plus tranquille, ben pourquoi pas? Ben voyons, on n'a pas choisi, c'est le goût qui nous a choisi. Ouais. Ah, lui, là. Il est vraiment en lit, cet homme-là. Moi, je l'ai tout le temps trouvé lit. Je me rappelle, il était ministre sous Lucien Bouchard. C'est Lucien Bouchard qui est allé nous le chercher. Puis je l'aimais pas. J'aimais pas sa vibration, mais j'aimais pas son apparence. Pauvre aussi. Oui, je suis pas bien gentil de prendre elle comme exemple. J'avoue, là. Mais c'était à elle de faire carrière dans autre chose. De toute façon, c'est pas mal fini. Hein? En tout cas, les plus belles tomates ont les racines dans le fumier. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais c'est parce que le fumier, c'est pas du fumier. C'est juste une forme. Comme de la glace, c'est de la glace, mais de l'eau, c'est de l'eau, mais c'est un état de la matière. Donc, même la tomate puis le fumier, ça revient au même, quelque part. Donc, le fumier, c'est pas du fumier. Bon, ça, c'est si on se place justement dans le linéaire. Personnellement, comme un parent qui consent à envoyer son enfant dans telle garderie ou l'école, c'est l'enfant qui subit l'expérience, car c'est lui qui a passé la majeure partie de son bain, oui. Hey, Bertol de la live cet été que tu parlais, les élites québécoises, tu l'as commandé ou tu l'as trouvé dans une librairie? Je l'ai acheté dans une librairie. Je suis tombé par hasard dessus, il venait de sortir. Donc, j'ai été chanceux, il y avait une petite librairie indépendante là, dans une autre ville où j'habitais. J'ai l'impression d'être en formation depuis ma naissance pour vivre cette période et pouvoir faire front. Comment vous voyez-vous faire face, justement? Je ne le sais pas d'avance. Vous savez, au cours des années, ma perception a changé. Puis j'ai beaucoup de difficultés à même avoir un processus intellectuel normal. Très contente d'être live à ton live, mais ma vie, ah bon. Ben, merci Tammy, puis le gars qui mange de la merde. Tu sais, là, à un moment donné, on m'a montré plusieurs univers, chacun était gardé par un gardien. Ouais, il peut avoir là vous avez donné forme, une forme expérimentale à de l'énergie avec laquelle vous êtes entré en contact. Donc oui, il y a des paliers, puis on peut anthropomorphiser certaines mécaniques de cloisonnement. Myrtle, tu osais quoi à dire des gens qui se conscientisent qu'ils refusent la vague et tout le reste pour rester en accord avec leur conscience qui ne pourront plus faire partie de la société. Bon, c'est ce que c'est nécessaire de faire partie. Je veux dire, une société, c'est quoi? Une société, c'est lié à un consensus collectif. Donc, des gens comme ça, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, d'après moi. Donc, ça pourrait former une autre société. Pourquoi pas? Ma fille a fait vacciner mes petits-enfants. Ben, vous savez, c'est pour ça, moi, que j'en ai pas d'enfants. Que j'en ai jamais voulu, parce que je veux pas avoir de peine. Vous savez, là, je me fais de la peine pour un chat, je veux dire, j'ai de la misère à marcher sur un insecte sans avoir de peine, imaginez. Mais oui, malheureusement, au niveau des lois, on peut pas rien faire. Quand tu pourrais dire sur la colère mentale, qu'est-ce que tu pourrais dire sur la colère mentale? Là, je pourrais en dire pas mal. Mais la colère mentale, c'est pas de la colère au sens où on l'entend, c'est une gestion transmutative de l'énergie psychologique avant qu'elle se psychologise. Il y a une interception de l'énergie avant la prise en forme dans le plan psychologique. Mais pour ça, il faut créer un espace qu'on appelle le plan mental, mais d'une façon conscientisée. D'après ce que je comprends, toutes les personnes qui ont des contacts dans l'au-delà, les personnes reçoivent des messages subjectifs. Oui, ben l'au-delà, c'est l'au-delà, hein. Même l'ici, là. Le social présent incarné, c'est subjectif, donc imaginez, là. Avez-vous retrouvé un meilleur contact? Pourquoi semble-t-il se taire régulièrement? Je sais pas, mais ça fluctue chez moi. On dirait, moi, plus ça va mal, plus c'est fort. Puis quand ça va bien, j'ai le contactateur. J'ai plus de... Mais c'est pas moi qui décide. Je sais pas pourquoi. Allez faire du bénévolat. Vous allez moins vous casser la tête et en même temps vous rendre plus fort. C'est à moi que vous dites ça. J'en ai fait du bénévolat, hein. J'ai eu tout un processus dans le communautaire. Puis après avoir vu comment sont traités les bénévoles, puis comment hypocrites sont les gens qui vivent de subventions puis qui se votent des salaires dans des CA puis qui sont à la tête des organismes, là. Jamais plus je vais faire de bénévolat, il n'y en est pas question. Il n'y en est pas question. Puis moi, à cette heure, aider les autres, c'est ce que je fais là maintenant, c'est un peu mon bénévolat. Comme ça, justement, moi aussi, j'ai un retour qui est réel. Qui est réel, dans le sens que j'ai pas à subir tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai subi dans le communautaire. Vous savez, c'est un des milieux que je déteste le plus, que je trouve tellement hypocrite. Tellement hypocrite, jamais plus je retournerai dans le communautaire. Puis même les gens avec qui j'ai travaillé là, dans ce temps-là, aujourd'hui, je leur parle même plus. Je veux plus rien savoir, c'est tout des bons riens tant qu'à moi. C'est tout d'une gang de... Ouais, une gang de parasites. Quand Legault, dans sa dernière allocution, parlait à tous en disant « notre peuple », je me disais « non, je ne suis pas dans un peuple ». Ouais, mais vous savez... Les Canadiens français, s'ils avaient une réelle identité collective, Legault ne serait pas là. Et puis même ceux qui ont une identité collective subjective, eux, ils se sont fait avoir par le faux nationalisme hypocrite de Legault. Il avait promis, par exemple, qu'il n'enlèverait pas le crucifix à l'Assemblée nationale, puis c'est la première chose qu'il a fait. Ah, du bénévolat masqué, c'est non, ben non. Voyez-vous, de toute façon, à chaque fois que je suis allé dans le communautaire, là, ça a été un chiard. Parce que je disais ce que je pensais, là. Ça faisait des chicanes. Parce que je trouvais qu'il y avait un avis qui était là pour les mauvaises raisons. Puis, bon, j'ai fini par me tanner, là. Je suis parti. Donc... Oui, un grand merci pour le partage. Ben, de rien. Au contraire, là, le plaisir est vraiment pour moi, sinon je ne le ferais pas. Mais je me suis rendu compte que j'ai été plus utile comme ça, c'est certain. Puis après avoir été déçu par le communautaire, je suis resté des années, plus de 10 ans. J'ai complètement changé de vision par rapport à tout ça. Concentrez-vous sur l'eau d'ici, au lieu de moi. Pas tout à fait dans le sujet, mais à l'occasion, quand vous êtes en contact avec l'eau, peu importe ce que c'est, de l'autre côté, projetez de la domination, de la prédation vers ça. Ça dépend avec quoi on s'est en contact, mais l'équivalent de je vais vous manger, c'est en référence à quoi? Fais-tu du vélo? Non, pas depuis l'âge de 14 ans, à peu près. Puis ça serait une longue histoire pourquoi j'en fais plus, pourquoi j'ai cessé d'en faire, mais je suis quelqu'un qui marche beaucoup. Je semble avoir une perte de repères tellement intense que j'ai l'impression de devenir fou. Et le lendemain, je suis ajusté à moi-même. J'ai pas vraiment les mots pour expliquer, sauf transmutation. Oui. Mais c'est toujours un pas en avant, un pas derrière, mais il peut y avoir quand même quelque chose qui se fait. Donc, vous gérez de l'énergie, pour ça les différents états. Donc, le résultat est amusant, un grand silence de longue durée. Ose-je vexer ça, ou ça s'est senti menacé, ou alors un choc qu'en retour par effet, Larsen. Personnellement, j'ai plus le même rapport avec. Je prête pas d'intention avec ce en quoi j'entre nécessairement en contact. Mais dès que quelque chose est vu, des fois, ça disparaît. Là, je veux dire, il va y avoir un silence. Puis maintenant, j'aime mieux ça. J'avais une migraine terrible depuis hier matin. Ah bon? Ah. Bon, ben tant mieux. J'aurais peut-être une idée de. Pour répondre à ma perte de repère tous les soirs. Ah. Tous les soirs. Ouais. Peut-être que c'est lié au cycle de la journée, là. Il y a peut-être quelque chose d'une sensibilité. Même conclusion du milieu communautaire. Ouais. Oui, j'ai discuté avec beaucoup de gens qui ont aussi été, qui avaient vraiment des bonnes intentions. Moi, même le milieu artistique aussi. J'ai été tellement déçu. Puis finalement, je me rends compte que c'est pareil partout, même en parlant avec d'autres. L'anthropomorphisation est-elle imposée par une énergie à un ego qui n'a pas encore une vision réelle, ou est-ce cet ego qui déguise sous une forme compatible? Oui, je dirais plus ça, parce que c'est lié à de la subjectivité. Il y a une objectivation subjective. Donc, c'est que l'ego, pour entrer en rapport avec quelque chose, il faut qu'il soit capable. Donc, il va le mettre à sa sauce, mais sans s'en rendre compte, c'est des mécanismes, c'est mécanique. Puis, la mécanique n'est pas intégrée encore. Donc, ça aboutit à des phénomènes parfois très, très étranges. Comme ça peut m'arriver des fois d'avoir des dialogues internes avec des choses qui vont prendre la voix, par exemple, de docteurs que je connais ou de gens dans mon entourage, alors que je sais que ça n'a rien à voir, mais ça prend cette forme-là. Puis c'est le phénomène, mais ça revient tout le temps à ça. Il y a une anthropomorphisation de l'énergie pour générer le contact. Sinon, il n'y aurait pas de possibilité parce que ça prend des formes. Donc, bon, vous avez une graine au complet, moi, un petit peu de l'esprit de bottine, là. Ah, les bonnes intentions, oui, ben oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions, ça c'est très très vrai. C'est parce que partout ce qu'il y a, la bonne foi humaine, le côté, vous savez, les gens bien, des gens bien qui veulent faire le bien, puis là ils créent des structures pour essayer de changer les choses, et puis il va toujours y avoir des espèces de. Il existe différents types d'humains. Puis il va tout le temps y avoir des espèces de prédateurs qui vont venir s'infiltrer, qui vont s'infiltrer là. Puis eux, ils sont dans une mécanique totalement différente. Puis ils ont une perception totalement différente. Puis eux, c'est eux qui vont gâcher la soupe là, de tout le monde. Puis c'est dans tout. C'est dans tout. Puis ces gens-là, à certains niveaux, sont moins naïfs que les bonnes personnes. Donc, ils vont réussir à se mettre à la tête des organismes. Ils vont tout le temps se hisser. Ils sont très habiles socialement, eux. parce qu'ils ne sont pas bloqués par la subjectivité des intentions, ils sont dans une stratégie vampirique. Donc, ils finissent tout le temps par prendre le contrôle des organismes, puis finalement, on se ramasse qu'on a du monde mauvais partout, pas mal. Oui, les communications, j'avais dit pas là, je veux dire, je ne veux pas dire que c'est ça partout, tout le temps, il y a du bon monde aussi, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai souvent pris la voix de Bernard, oui, puis automatiquement, je vois à quel point ils sont cons. Ben oui, mais c'est juste que ça, des fois, c'est pour une raison de vibration que ça va prendre. En tout cas, un peu d'humour québécois ne nous empêche pas d'être sérieux quand c'est le temps. Ben, l'humour, c'est censé être universel. Là, j'avoue, hier, j'ai vu un humoriste pas longtemps à la télévision, là, puis ça m'a mis un peu en dit par rapport à ce qu'on appelle l'humour québécois, mais il y en a plus, là. Ils sont pas bons. Je les trouve pas drôles, mais en tout cas. Ah, je pourrais aller faire l'École nationale de l'humour. C'est-tu encore Louise Richer qui est en tête de ça? Je l'aimais bien, elle est pas drôle, là, mais bien gentille. Je voulais faire du bénévolat auprès des mourants. Oh, ouais. Je sais pas si c'est une... Ben oui, peut-être si vous avez... Mais c'est ça, le COVID, ça va... Justement, ces formes ont l'air drôlement fragiles sous des dehors de puissance et de grande potentialité. Je me demande parfois si on n'a pas affaire à du vent jusqu'à un certain point. Ben, il disait quoi, Bernard? Il disait au monde dans la salle, il disait, quand vous aurez compris, vous ne viendrez plus me voir. Ça veut dire que ça a été intégré. Ben, à un moment donné, le problème, c'est qu'il n'y a pas juste du vent, par contre, mais il faut apprendre à gérer le vent. Il est là, l'important. Comme les pédos chez les scouts, et oui. Ben oui, prenez. C'est comme à un moment donné, j'entendais du monde dire oh, les prêtres, ils sont pédophiles. Là, ceux qui sont pédophiles, c'est parce qu'ils ne peuvent pas se marier. C'est donc bien cave. L'affaire, c'est qu'il y a des pédophiles qui se faisaient ordonner prêtres pour être dans un contexte d'autorité. Puis, voyons, c'est pas pareil. Il ne faut pas voir ça à l'envers. Je n'écoute plus les humoristes. Moi non plus, j'ai bien de la misère. Navine était vraiment pas bonne, là, vraiment. Là. Même Rosie O'Donnell elle est drôle à côté de ça. Oui, c'est encore Louise Richer qui est à la tête de l'école. Ah oui? Ah bon. Je ne sais pas ce qu'elle pense de Guillaume Lepage maintenant, avec le recul. C'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. On est tous là. Pas drôle de quelqu'un. Ah, oh, ça, c'est... Hey, il y en a une méchante gang qui me trouve pas drôle. Ça, c'est certain. Ça, c'est chez les gens qui sont au courant de mon existence. Mais, bon. Dans le fond, je trouve plus grand-chose de drôle. Ben, franchement, j'ai gardé mon sens de l'humour, mais... J'ai un certain sens de l'humour, mais ce que je trouve drôle est souvent pas drôle, au fond. Je suis une jeune retraitée infirmière. Le domaine de la santé est rempli de prédateurs, de corruption, bénévolat aux soins palliatifs. Oubliez ça. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Puis c'est partout les milieux où il y a de la faiblesse, où il y a un besoin d'aide et d'assistance, je dirais. C'est rempli de... Oh! J'ai été opéré pour une appendicite quand j'étais enfant, quand j'avais 12 ans. Puis l'infirmière auxiliaire que j'ai eue, elle avait une vibration de marde. Je me sentais quasiment comme James Caan dans Misery. Hey, elle voulait même pas que... J'avais pas le droit. À un moment donné, je voulais aller me promener un peu pour aller prendre l'air. Puis moi, j'ai eu une péritonite. Puis je me plaignais pas de ma crise d'appendicite. Parce que je suis quelqu'un qui est pourtant enduré la douleur, mais à un moment donné, j'ai eu une péritonite, puis ils m'ont sauvé de justice. Puis j'ai été vraiment plusieurs semaines à l'hôpital, puis je pouvais pas me promener, je pouvais pas bouger. Fait qu'il y a quelqu'un que je connaissais, quelqu'un de ma famille, qui était à l'hôpital, puis j'ai fait demander une chaise roulante pour que je puisse au moins aller dehors. Parce que je voulais aller. Elle m'a crié après l'infirmière. Elle était méchante. Elle l'a fait enlever. J'avais pas le droit de sortir de ma chambre. Puis un enfant d'une folle. Puis elle avait tellement. Je sentais que c'était de me dominer puis de me contrôler. En tout cas. Pourquoi d'après toi? Ben, pourquoi? C'est de l'animalité. Il y a des gens que c'est pas des gens, hein? Quand on voit un petit minou, on le trouve tout cute, mais si tout d'un coup, il y avait un néocortex plus développé, puis il y avait la parole, puis que tout d'un coup, il y a des capacités d'avoir des comptes en banque, puis des choses comme ça, peut-être qu'on l'aimerait plus. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'animalité qui se psychologise. Il y a des gens qui ont une âme, mais qui n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas de conscience, si vous voulez. Ils ont une conscience vampirique, c'est-à-dire que, comme des amibes, il faut qu'ils se nourrissent d'environnement pour survivre. Puis ils sont dans une mécanique qui est bornée à ça, parce qu'ils n'ont pas les corps. Ils font partie du contexte, à mes yeux. Puis c'est grâce à eux d'ailleurs qu'il y en a qui vont développer un contact avec l'esprit, vont développer autre chose, ils vont être capables de transmettre leur souffrance expérimentale pour développer une conscience intégrale, puis avoir une réelle empathie, puis une réelle vue de l'autre, à cause qu'ils vont devenir scients d'eux-mêmes, il va y avoir une métaconscience, on peut dire. Mais il y en a, la plupart, il y en a, on vit au monde avec cette conscience-là déjà. Parce que l'âme, ça existe avant l'incarnation, entre guillemets. Mais il y a du monde que c'est pas du monde. Ils sont en majorité, je pense. Savez-vous pourquoi les cannibales ne mangent pas de clowns? Parce que ça goûte drôle. Ah. Je pense qu'il est vieil un peu. Même si c'est la première fois que je l'entends. J'ai senti cette vibration durant 27 ans de temps. Ben oui. Trouver cute, c'est aussi de l'animalité, ça dépend. Parce qu'il y a du monde laid qui sont cute. Mais c'est la vibration de quelque chose de plus subtil qui va au-delà de leur apparence. Donc, ça peut être à différents niveaux, là, cute. Les abuseurs se donnent souvent les apparences d'inoffensifs, médiocres, de bonhommes, de mononcles, bedonnants qui ont excuse les défauts d'élocution. Ben oui, ben ça me fait penser à nos trois stooges. Ça me fait penser à le go du bébé. C'est ça, c'est des gros mononcles suintants. On dirait des gros appendices remplis de viande avariée qui suintent de pus. Ils sont là à se retourner d'un bord puis de l'autre comme des larves de mouches dans une flaque de vomi. En tout cas, bon, on va arrêter la poésie, là, mais il reste que, oui. Ils ont l'air inoffensifs. Prenez Dubé, il a l'air d'un gros bonhomme vendeur de chars usagés, là. Comment je pourrais dire ça? Dubé, je dirais plus gentil, un bonhomme de chambre de commerce, là. Qui est au bain le monsieur, là, que tu vois à la marina. Donc, non, c'est certain que. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Avant, j'avais un certain. Comment je pourrais. J'étais indulgent. J'étais très indulgent envers, vous savez, des gens qui sont en surpoids, par exemple, ou les gens qui se plaignent beaucoup. Je trouvais qu'ils avaient une certaine faiblesse, puis on est porté à les plaindre. Aujourd'hui, j'ai complètement changé. J'ai complètement changé. Le monde qui sont tout le temps en train de s'excuser, là, puis qui sont maladroits, puis qui sont tout le temps dans le chemin. Puis à cette heure, maintenant, je suis assez sec, là, c'est tasse-toi autour dans mes jambes. Puis j'en ai plus d'empathie. J'en ai plus de. Pas à ce niveau-là, parce que j'ai fini par comprendre que c'était subjectif, mon empathie. Je peux pas me mettre à la place de quelqu'un qui est complètement autre chose, là. Dans le sens que. Les gens qui pensent qu'ils font pitié puis qui veulent se servir du fait qu'ils font pitié, là, ça me fait plus pitié. Avec de la misère, ça marche plus. Je suis rentré à l'école du rire, mais j'en suis sorti en pleurant. Ouais. Ah oui, parlez-vous de l'école de Madame Richer? Céline, la pauvre victime, avec ce Marc de linge. Ah oui, ça faisait dur, ça. Ben moi, pas qu'elle fait pitié, là, mais il y a de quoi qui va pas, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. C'est rendu une enveloppe vide, cette femme-là. Déjà que l'enveloppe était pas... Bon, je vais arrêter, là, c'est pas correct. L'ego me donne une vibration dark, pas capable de m'enlever de la tête la photo de lui, s'entretenant avec des enfants masqués dont les pieds touchent pas à terre. Moi, ça fait penser, comme vous savez, à un moment donné, il y avait Saddam Hussein qui avait essayé d'amadouer un petit Koweïtien, là, puis ça avait passé aux nouvelles dans le temps comme de quoi d'épouvantable. Puis de. C'est pas mieux, là. Bonjour, Omega Or. Comme chez IGA. Qu'est-ce qu'il y a chez IGA? Comment peut-on imaginer qu'il puisse y avoir une école pour apprendre à faire rire? Moi, ben, ça serait ce que Madame Richer disait, c'est que oh, faire rire, ça peut être un talent que vous avez déjà, mais pour bien développer ce talent-là, vous allez avoir maintenant accès à des gens qui vont vous montrer les ficelles du métier. Parce que, comme vous savez, là, c'est une technique, c'est des techniques qu'on va vous enseigner, mais bien sûr, le talent ne s'enseigne pas. Mais elle, bon, tout coup. Bonjour, Dominique. J'ai une demande spéciale. Pourrais-tu lire les questions au complet et clairement? Ça aidera à suivre. Ben oui, mais vous pouvez les lire vous aussi. Pouvez-vous lire les questions à mesure que je les lis, là, le chat est en direct à droite. Parce que non, des fois, j'en vois pas l'intérêt. De toute façon, quand je commence à lire la question, je commence déjà à répondre en même temps. Je me prépare à répondre en même temps. Mais non, ça me tente pas, là. Je vais continuer à y aller naturellement comme ça me vient. Si ça vous dérange pas, là. Puis si ça vous dérange, je vais continuer à faire ça quand même comme ça. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas envie, comme dans l'école de Madame Richer, de suivre des recettes, puis de. Bon. C'est plus facile de faire broyer que de faire rire. Oui, possiblement. Possiblement. Ils sont des exécutants, mais dans quelle mesure sont-ils au courant du plan global? Ben c'est, vous savez, justement, des exécutants, ça n'a pas besoin d'être au courant du plan global. On ne demande pas à quelqu'un qui installe des madriers, on n'a pas à lui expliquer tout le plan, là, comme l'architecte. Donc, ça revient au même. Je ne pense pas qu'ils sont au courant de tout, sinon, possiblement, qu'ils seraient des complices moins zélés. Mais ça doit dépendre de chacun. Donc, ce que chacun sait doit être adapté à sa capacité, à ce qu'il peut prendre ou pas. Des humoristes qui se prennent trop au sérieux, n'est-ce pas une faute professionnelle? Ça dépend quel genre d'humour ces gens-là pratiquent. Il y a différents styles d'humour. Prenez quelqu'un d'underground, là, comme François Gault. Il peut pas se prendre au sérieux, lui, là. Pourquoi? Parce qu'il est bien trop sensible. Et surtout, s'il se met à se prendre au sérieux, il va cesser de faire ce qu'il fait. Donc. J'arrête des choses à dire que je ne dirais pas. Il ne faut pas. L'indulgence demande un grand discernement. Sinon, c'est. Oui, c'est vrai. Oui, sinon, ça devient de la charité au sens ancien du terme. Puis, il ne faut pas. L'indulgence, il faut que ça soit ajusté de la vraie, là. Ça vient avec le discernement, oui, je suis d'accord. Depuis de petite, je disais que non, je n'étais pas croyante, mais sachante, je savais. Cloche, oh là, chaud. Je savais qu'on ne meurt pas. Je discute à l'intérieur. Est-il possible d'être déjeuné avec le contact? L'affaire, c'est que c'est spirituel comme contact. Quand même, là. Pourquoi? Parce que ce que vous décrivez là, vous n'êtes pas toute seule là, qui est venue au monde comme ça. On voit ça chez des gens comme la petite Thérèse de Lisieux, des choses comme ça. Puis c'est pour ça, Jung a fini par dire, j'ai pas besoin de croire, je sais. Mais l'affaire, c'est que la spiritualité, ça fait partie de ça. Donc, c'est un contact spirituel à mes yeux, ce qui n'empêche pas un autre contact aussi, là, ce qui n'empêche pas le. Une possibilité de deux contacts en même temps. Mais moi, mes yeux, ça reste quand même spirituel, c'est-à-dire que ça, on peut venir au monde avec ce contact-là. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'âme. Puis l'homme est raccordé à l'expérience de la mémoire de l'humanité. Donc, il y a eu des mystiques qui disaient ça avant. Donc, mais c'est peut-être que c'est un contact autre aussi, là. Il y a des contacts avec l'esprit chez les mystiques. Parce qu'il y en a que, même si c'est resté spirituel, des fois, il disait des choses vraiment qui allaient au-delà. Donc, même là, moi, c'est subjectif, là, ce que je vous dis là, c'est une première impression. Ben, Legault, il y a une couple d'années qu'il publie son amour pour le livre de Klaus Schwab, mais bon, c'est probablement un petit détail face à l'information qu'il n'aura jamais. Ben oui, mais je pense pas qu'il n'aura jamais accès. Ouais, mais je pense pas que Legault l'ait vraiment lu avec assiduité, ce livre-là. Je pense qu'il y a une certaine admiration hiérarchique pour Klaus Schwab, mais que c'est lié justement à un monde qui vient, qu'il pense inéluctable, puis lui, il veut sa place là-dedans. Donc, c'est certain que quand on est un licheux, on fait la promotion des affaires du monde qu'on liche. Je le vois comme ça. Parce que je pense pas que Legault, ça soit un grand lecteur, là. En tout cas, mais il l'a peut-être lu aussi, mais si c'est le cas, il n'a pas du tout de comprendre. Mais je ne l'ai pas lu, moi, le livre de Klaus Schwab. Donc, ce serait très intéressant une entrevue entre vous et Mona Hébert. Oui, c'est vrai. Mais Mona, je pensais qu'elle m'avait écrit, puis finalement, je n'ai pas vu. Je suis allé dernièrement sur mon affaire de courriel, mais j'ai été voir un seul courriel qui était lié à une dame qui m'avait demandé de l'aide dans le live d'avant. Mais j'ai pas vu, peut-être que mon homme a écrit, mais ça pourrait être aussi à moi de lui écrire, mais finalement, ça s'est jamais arrivé. Dites-nous, ça ne sortira pas d'Internet, promis. Ça dépend quoi. Hello, Bertol, malgré coup, tout vas-tu réveillonner avec tes colocataires? Ben oui, j'ai pas le choix. Que seraient des bons menus à ces occasions pour cette année, mis à part la soupe. Ben là, j'ai pas les moyens de faire venir des ailerons de requin. Ben hier, ce que j'ai fait, avant-hier, j'avais fait tremper des jarrets de porc dans du vinaigre de riz. Et puis hier, je les ai fait cuire avec, vous savez, là, des fèves de soya fermentées, puis du gingembre, puis quoi d'autre, donc de l'ail, et puis du sucre brun. Mais ça, j'en fais de temps en temps. Ben, ça faisait longtemps, ça faisait des années que je ne l'avais pas fait. Je le congèle et puis je mets ça dans mes soupes. Mais non, je vais réveillonner, vous, avec les gens ici, mais vous savez, moi, je me couche de bonne heure, même si c'est le réveillon. Donc, je verrai. C'est un peu une journée comme les autres, là, pour moi. Je ne ferai rien de spécial. Bonjour, Frédéric. Virginie Gosselin, Klaus Schwab, un autre symptôme d'une maladie. Ouais, lui, il est presque une maladie, là. Avec plein de petits symptômes qui est comme Legault. Un gros merci. Ben, merci à vous. Ah oui. Ah oui, c'est vous. C'est justement que je suis allé pour vous répondre. Quelle est ton adresse courriel? Je la donne. Si vous allez sur ma page sur la chaîne, puis que vous allez dans vidéo, il y a une vidéo qui est écrite que c'est pour me rejoindre, pour m'écrire. Puis je la donne dans cette vidéo-là. Donc, dans mes folles jeunes années, pour avoir côtoyé des politiciens d'un niveau municipal, régional, beaucoup sont indigents au niveau doctrinal et idéologique. Ils ont le starter pack, ma guerre. Oui, moi j'ai vu ça aussi. Ici, là, puis il y en a même qui est en politique municipale, puis tout est décidé. C'est le directeur général, dans le fond, puis il y a des assemblées de cuisine là, avant les conseils municipaux, puis il y a ceux dans la chambre de commerce, là, puis les contrats, puis toute la patente, puis il y en a, bon, ils ont juste à suivre. Ils savent pas trop ce qu'ils font, dans le fond. Comment peut-on vous contacter en messagerie? Ben, comme je viens de dire, j'ai déjà donné mon adresse courriel. Mais déjà là, je prends pas assez de temps pour aller dans mes courriels, puis je réponds pas rapidement. Puis des fois, j'avoue que j'ai comme. Je suis quelqu'un de psychologique quand même, dans le sens où je vais m'en vouloir des fois. Puis des fois, j'ai de la procrastination aussi, là. Des fois, je peux prendre un mois avant d'aller voir mes courriels, puis là, ça s'accumule. Fait que j'essaie de pas trop l'ébruiter, mon adresse courriel. Ok, parfait, je vais regarder la vidéo pour avoir ton adresse. Bon, mais de rien. Mais oui, là, ici, comme au niveau municipal, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Ça s'est détérioré. Dans ma ville, là, je vois. J'ai un maire complètement dans le délire total comme on le connaît. Il a rendu le puçage des animaux obligatoire. Puis il est à fond là, dans tout ce qu'il veut faire là, de la ville, là, une des villes complètement numériques, là, où tout est numérique, une des premières là, au monde qui va être numérique à ce point. Un vrai malade, un esti de malade, il est en train là, de nous grossir la dette de la ville, c'est de nous en. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a fait faire des travaux qui n'ont aucun sens. Et encore, il s'est voté une hausse de salaire, imaginez-vous, là. De plus de 35 % une année. Un esti de fou. Un esti de fou. Là, à un moment donné, je pensais que peut-être qu'il allait partir de la. En plus, il vient même pas d'ici. C'est un gars de Laval. Un gars de Laval, un professeur. Là, lui, c'est un gars, il vient du milieu universitaire en tant que professeur au niveau de la gestion de certaines ressources. Dans le fond, il vient du milieu. Voyons comment je pourrais dire ça. Moi, je le vois, je le considère comme qui vient du milieu corporatif, dans le fond. Puis on voit aussi par rapport au contrat de la ville. Puis bon, je pensais qu'on pourrait s'en débarrasser. Mais la seule personne crédible qui s'est présentée contre lui, c'est un ancien maire, il y a plusieurs années, qui était reconnu pour une certaine. Puis les gens ont préféré garder ce maire-ci. Puis on est pris avec. Ah, c'est-tu que je l'aime pas. En tout cas, des plans pour qu'un jour je me présente. Voyez-vous, maire, j'ai pas envie de faire ça. De toute façon, j'en marcherai pas. Pourrais-tu, s'il te plaît, créer un visuel coloré mêlant esprit de Noël et Yéking avec les figures, là? J'aurais bien de la misère, là, à faire ça, là. Surtout les sphères de Noël. Le pire, c'est que votre mère doit se voir comme un héros avec ça. Ben oui. Ah oui, c'est incroyable, il nous a mis là, les coins de rue ici, là, les lumières, là. Même si vous êtes une personne âgée, il va falloir courir. Parce que c'est vraiment en fait, là, ça n'a pas de sens ce qu'ils ont fait. Même moi, là, j'ai de la misère à traverser la rue à temps. Il faut attendre quasiment. Ça n'a aucun sens. C'est n'importe quoi. Il n'y a rien qui a de l'allure. Ils ont fait vraiment n'importe quoi. Ça coûte 10 fois plus cher, ben 10 fois, mettons, 4 fois plus cher d'éneiger les rues parce que lui, il a fait réaménager les rues comme si on était à Beverly Hills, ici, là. En tout cas, c'est mieux que je parte pas là-dessus parce que connaissez-vous un endroit sur Terre où ça pue pas? Ça dépend ce qu'on entend par là, mais je dirais non. Il ne serait pas un type politicien à 3.1. Il est dans des affaires. C'est sûr. C'est clair. Il l'a quasiment décrit dans la face. Mais j'ai jamais donné. Je l'ai vu à un moment donné. Je faisais mon épicerie. Puis à un moment donné, je le vois au loin, puis je me dis, tiens, c'est le maire, ça. Puis je le regardais faire son épicerie en pensant à lui. Puis là, il s'y met à devenir inconfortable, puis gigotait, puis il avait de la difficulté à se concentrer sur son épicerie. Puis à un moment donné, il s'est retourné, puis là, il a vu d'où ça venait. Ces désagréments-là, c'est parce que moi, je le regardais. Sans trop réfléchir, pourtant, je faisais juste le fixer. Puis là, quand j'ai vu qu'il me voyait, j'ai continué de le regarder, puis il a fini par continuer à être mal à l'aise, puis à finir par essayer de faire ses affaires pareilles. Mais il y a clairement quelque chose qui va pas avec ce bonhomme-là. Je le regardais justement au coin d'une rue à un moment donné, puis il pitonnait là, sur son téléphone, là. En tout cas, il a manqué sa lumière. De toute façon, à la vie, au délai qu'il les a mis, il n'y a pas le choix. Hey, tu peux la manquer, c'est pas long. Hein. Mais oui, je suis sûr qu'il est dans des affaires, des cossins, là. Pourquoi le Rotary Club utilise une roue comme symbole? Est-ce que c'est quoi plus évolué? Ben, vous savez, le Rotary Club, ça a été créé. C'est un peu comme Lyon, là, ça vient souvent ensemble. C'est des clubs et écoles de d'autres affaires que ça a été fondé. Mais là, c'est au niveau corporatif municipal. Mais c'est international, pareil. Mais l'affaire, le Rotary, pourquoi? C'est parce que ça vient de la mentalité selon laquelle qu'une société, ça prend des structures et que ça prend, chacun est un rouage et blablabla. Bla, bla. Voyez, un peu l'esprit, vous savez, l'esprit de l'ère industrielle, de la fin du 19e siècle, début des années 1900, même si c'est plus jeune que ça, là. Mais c'est l'idée, c'est pas juste le grand architecte de l'univers, si vous voulez, vu que c'est en mouvement, puis il y a du mouvement, il y a le grand mécanicien. Si vous voulez. Puis une société, c'est des rouages avec des mécaniques. Et vous avez le choix, si vous voulez, d'être un rouage important de votre communauté. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, je l'interprète comme ça. Je ne vais pas aller lire leurs chartes et leurs histoires. Une gang qui me font rire, c'est les Richelieu. Parce que quand j'étais dans l'hôtellerie, puis ces choses-là, eux, ils font des rencontres, là. Ils louent des salles, puis ils ont une petite cloche là, qui donne des coups de marteau dessus, là, puis « Adopté! » Ding, ding, ding! Puis là, ils ont des petits sauts, puis c'est tellement ridicule. En tout cas, c'est comme, avez-vous déjà vu des chevaliers de Colomb faire une procession dans la rue avec toutes leurs gréements, là, les guirlandes, puis toute la patente, là, les épées et tout, là, puis les casses, puis aïe, aïe, aïe, aïe, c'est comme les filles d'Isabelle avec leur petit caperon, là, qui se tiennent, puis ils font... Oh. Ça fait peur, Chris, c'est... Mais pas peur dans le sens que c'était... Ça fait peur dans le sens que... Astique, c'est ridicule, je comprends pas. On n'a pas besoin de se magrer de même, me semble. Bon, en tout cas, un illuminé qui rate sa lumière, c'est balourd. Ouais, c'est parce qu'on parle pas de la même lumière, là. Vous savez, quand ils disent que le néophyte reçoive la lumière, ou je sais pas trop, puis ils se claquent tout dans les mains. Là. Ça fait, la plupart du temps, il paraît que ça donne surtout un gros mal de tête. En 2018, j'ai ouvert l'encyclopédie des symboles et je suis tombé sur le mot supramental. J'ai eu un choc, c'était la première fois. Ah, eh bien, je ne l'ai jamais vu écrit nulle part. Sauf... sur Internet, là, mais le supramental, vous savez, ça vient de Sri Aurobindo. Puis, donc, ça fait un bout de temps, là, puis vous savez, il y a une Française qui l'a aidé à le répandre à travers la francophonie. Les vrais premiers, là, qui en ont parlé, comme vous avez Saprem aussi, l'auteur du mental des cellules, puis en tout cas. Mon père était prêtre catholique. Ah oui, il a arrêté pour épouser ma mère. Elle a 18 ans de moins que lui, mais il n'est pas pédophile pour un sou. Tout ceci ne sont pas... Oui, je sais bien. J'ai rien, vous savez, j'ai rien en tant que tel contre le catholicisme, là. Ce que je dis du catholicisme, je peux le dire de plein d'autres choses. De plein d'autres choses. L'affaire, c'est que il y a certaines choses dont on parle, c'est en tout et dans tout et partout. Mais c'est pareil aussi pour du bon monde, il y en a partout. Ce que j'ai toujours dit aussi d'ailleurs. Mais vous savez, c'est quand même certain, moi c'est l'institution. Tu peux être de la misère avec les... En tout cas. Moins il y a de contenu, plus l'emballage est important. Moins. Dire ça. Le maire de ta ville, c'est-tu l'amoureux d'Éric Kerr? Non, je pense pas. Mais oui, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est une espèce de disciple. Qu'aurait-il été en Angleterre? À quelle époque? Je ne sais pas. J'espère. Vous savez, j'aime pas beaucoup. Je ne suis pas très anglophile. Là. Un tanneur de cuir teint. Non, je ne sais pas du tout. Sa ville en Angleterre, là, j'ai même de la misère avec. C'est pas la culture européenne que je trouve la plus. Ils ont quelque chose, les Anglais, que. En tout cas, j'aime autant pas. Je suis certaine que ton maire est quand même moins pire que la mairesse Plante. Oui. Ben oui. Oui, parce que la ville est beaucoup moins importante ici. Puis moins de. C'est le contexte qui fait que c'est moins pire qu'elle. Mais la mairesse Plante, elle est vraiment là dans le processus de juste la façon dont ils instrumentalisent. Et en Chine, oh, je ne sais pas. De toute façon, ce qu'il y a d'intéressant avec les Chinois, c'est qu'il y a moyen d'être n'importe quoi puis de se sentir digne pareil. Juste balayer devant sa porte, c'est aussi plaisant que d'être à la tête d'une procession en Occident. C'est là à côté. Non, il y a quelque chose par rapport aux Chinois que j'aime beaucoup, c'est le côté, il y a moyen d'être digne peu importe sa condition. C'est pas lié au rang dans la société. Au contraire, même peut-être. Il y a ça qui est plaisant. On peut être n'importe quoi en Chine sans avoir honte. Mais là, je parle pas de la Chine communiste de maintenant nécessairement. Je parle en général de la culture comme les Chinois. Même les Chinois, on les voit là, dans certains coins de Montréal et de Toronto. Ils peuvent être n'importe quoi sans jamais avoir honte, puis en restant fiers et dignes de ce qu'ils sont tout le temps. Puis c'est pas important. Ce qu'on est rendu à ce niveau-là, tant que c'est assumé. Je ne crois pas que tu puisses te reprogrammer avec ton autorité pour ne plus subir le choix de tes ancêtres de ne plus vivre dans la richesse. Je suis pas sûr que c'est un choix. Bon, Vera, c'est sûr que ça fait partie de. Non, moi, avoir un confort de base, là. C'est un sujet que je travaille, justement. Ah. En tout cas. Non, ben, je repensais à l'autre qui me parlait de la Chine. Les Chinois, ils ont un certain sens de l'humilité qu'on n'a pas en Occident. Dans le sens où on peut être digne n'importe comment. C'est pas important. Les gens vont quand même. Y a pas, c'est pas le même sens hein, qu'en Occident au niveau, par exemple, de la honte. C'est pas les mêmes programmes, c'est pas les mêmes mémoires, c'est pas pareil. Être subordonné en Occident, puis être un petit employé en Occident, je l'ai été, puis il y a des fois où j'ai subi des humiliations que dans d'autres cultures, ça m'aurait moins dérangé. Dans d'autres contextes qu'occidental, ça m'aurait moins dérangé. Si ça ne me tenterait pas aujourd'hui d'être un petit commerçant, aujourd'hui, si je pense ici en ville, ça ne me tenterait pas d'être un petit commis d'épicerie, par exemple, dans le contexte occidental dans lequel nous sommes. Mais si j'étais un Chinois de Toronto, là, ça ne me dérangerait plus. J'aurais plus honte. Je ne ressentirais plus le même poids. C'est bizarre, hein? C'est drôle à expliquer. C'est difficile à expliquer. Comme je vais avoir honte d'un certain manque de confort, mais si je me vois dans un autre contexte, ça ne me dérangerait plus. Donc, bon. Hier, dans le journal, savoir qu'on est médiocre ensemble, c'est plus confortant. Bouf. Je sais pas. Et inversement, les Chinois haut placés ne vous prennent pas de haut quand ils vous ouvrent leurs portes. J'en dirai pas plus, moi. Oui, c'est pas du tout pareil, hein. La mentalité, puis justement, tu dis un confort de base et je ne crois pas que ça te suffise. C'est ce que tu dis, ne te maintiens-t-il pas dans le juste qu'il faut, moins? Ben, le confort de base, je l'ai. Donc, ça doit être vrai que ça ne suffit pas. Legault montre des signes de tension et de malaise. Est-ce que, à quelque part, il est divisé de façon inconsciente? Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Puis, non, ben, vous savez, être hypocrite, surtout quand. Bon, t'es sûr que ça doit pas être confortable, mais son enfer, je veux dire. Mais ça devrait s'accentuer, ça. J'ai hâte de voir ça. Les Chinois travaillent en famille beaucoup, oui. Oui, il y a ça qui est intéressant. Moi, dans ma famille, on est tous en compétition inconsciente, je pense, les uns par rapport aux autres. Puis, je vois pas personne dans ma famille qui aurait une entreprise avec un autre membre de la famille. Au contraire, ils vont tous être portés à avoir chacun leur entreprise de leur côté, puis à être en compétition inconsciente les uns avec les autres. Tandis que dans une famille de Chinois, c'est pas pareil. C'est plus intelligent aussi. Prenez les Italiens dans les années 70 à Montréal qui, en famille, s'achetaient des blocs appartements, ont construit des entreprises dans l'immobilier, la construction ensemble. Aujourd'hui, ils sont millionnaires. Tandis que les petits Québécois qui les regardaient de haut, disaient, oh, les maudits macaronis. Ben oui, mais eux autres, ils sont restés pauvres. Donc, digne et intouchable, moi, je sais pas. Je sais pas, je pourrais pas dire. Intouchable. Il n'y a personne qui est intouchable, hein, vous savez. Oui, je suis d'accord avec Vestal. La vibration est à actualiser. Merci pour les Chinois, c'est réconfortant pour moi. Au contraire, j'ai vu beaucoup d'injustices et d'humiliations. Oui, c'est toujours, vous savez, l'humiliation va souvent être liée à la mémoire personnelle. J'ai remarqué ça. Par rapport à des gens là, qui ont certaines cordes sensibles. Puis, bon. Je suis Taichu, entre autres, originaire du Guangdong. Ah oui? Ah, eh bien. Shoutout, la tête de la montagne. Ah. Là, par exemple, vous me perdez un peu. Mais c'est une région où il y a tellement de. Il y a eu tellement de bouleversements. Puis il s'est passé tellement de choses qu'on dirait que ça a engendré des gens qui ont une plus grande facilité, comment je pourrais dire ça, qui sont beaucoup plus versatiles, je dirais, puis qui ont une certaine compréhension plus naturelle de ce qui est de situations différentes, une capacité d'adaptation, une capacité d'adaptation. Donc, oui, ben. Vous savez, c'est les commerçants du Guangdong que je trouve les plus intéressants. Dans le sens, par rapport, là, où des fois, ça m'est arrivé, là, de chercher certains produits que je trouvais pas. Puis, c'est les plus accommodants. C'est les plus. Puis, ils sont bien. Et en plus, beaucoup moins. À un moment donné, justement, j'ai eu affaire. Un monsieur qui vendait des meubles dans une autre province. Puis, finalement, il y a des choses qui sont arrivées toutes cassées. Puis là, il dit, voulez-vous un remboursement? Je veux dire, non, à la place, il y a tel type de thé que j'arrive pas à trouver. Envoyez-moi. Ça va être facile à vous de le trouver. Envoyez-moi ça avec des fruits secs, puis ça va être correct. Puis, il l'a jamais fait. Puis, mais je suis persuadé que s'il avait été du Guangdong, peut-être qu'il aurait été plus accommodant par rapport à ça, parce que c'est rien ce que je lui demandais. Puis l'autre, qui ne m'a jamais envoyé mes affaires, je lui ai répondu, bon, ben, j'ai dit, votre dette, là, est écrite dans le ciel. Ce ne sera jamais réglé. Puis, parce que je suis orgueilleux, puis je ne veux plus avoir affaire à vous. Parce qu'il propose encore de, finalement, après des mois, il dit, oh, je vous ai oublié, finalement, puis je peux quand même te donner. Rembourser une partie, j'ai dû le laisser faire, puis j'ai été un peu fendant avec. Mais c'est pas la même mentalité. C'est étrange. C'est comme. En tout cas. Bon. Je me suis un peu perdu, là. Comment expliquer que certains naissent avec plus d'autorité intérieure? Ben, c'est ce qu'on appelle. Je pense que, justement, ça se pourrait être lié à l'âme. L'âme. Pas à l'ego ni à la personnalité nécessairement, mais à des prédispositions, à quelque chose qui serait inné aussi, peut-être une mémoire liée à la génétique aussi. Dans ma langue, Chine, ça dit Tong soit les longues montagnes. Oh, les Taichu sont au moins 30 millions en dehors de la Chine depuis les années 80 pour la révolution économique. Nous sommes en France. Ah oui. Donc, j'imagine que. Ben, vous savez, en France, ça me surprend qu'il y a de plus en plus, justement, de gens qui sont originaires de la Chine. Ici au Canada, oui, Singapour puis Thaïlande. J'aime beaucoup les Chinois de Singapour, énormément. Puis, vous savez, le petit-fils du commerçant qui avait fondé à Singapour là, la première compagnie qui s'est mise à produire de l'huile de crocodile, c'est quoi donc cette compagnie-là? En tout cas, c'est eux qui fabriquent, à mes yeux, là, ça c'est peut-être subjectif de ma part, là, mais parmi là, les meilleurs produits au niveau là, des liniments puis les embrocations là, que j'ai pu trouver, c'est ce commerçant-là de Singapour là, qui a repris Québec, qui a repris, il n'a pas eu à reprendre parce que ça s'est transmis sans discontinuer. Mais à mes yeux, là, vraiment, là, c'est parmi des commerçants les plus admirables que j'ai vus. Vraiment, c'est vraiment là, d'avoir comme ça là, un commerce aussi. Ben, j'ai beaucoup d'affection pour les commerçants. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir une certaine sympathie. Vraiment, là. Chopwahan, c'est ça? Je pense, hein. Il me semble qu'ils sont même dans le record Guinness mais Singapour, en Thaïlande, je connais moins les Chinois de la Thaïlande. Pour le Canada, c'est surtout des gens de Toronto puis de Montréal que j'ai eu affaire, mais souvent des descendants de sino-canadiens, c'est-à-dire que des gens qui sont venus au 19e siècle pour les chemins de fer, l'installation des chemins de fer. Même ici, la ville, il y a un cimetière qui est plus ancien, puis il y a une tombe qui date des années, je dirais, le 1890, qui est avec des idéogrammes, puis qui est possiblement la tombe d'un Chinois qui est décédé pendant l'installation du chemin de fer, qui est pour que, justement, dans le temps, pour que les minéraux soient transportés. Puis, finalement, il n'y a pas de mot pour dire l'extraordinaire contribution des Chinois par rapport justement au 19e siècle là, au Canada. Là, ça n'aurait pas pu se faire sans eux. Puis partout où il y a eu la révolution, je dirais, industrielle, on trouve des. Puis à mes yeux, il y a quelque chose qui est lié là, une vibration, un karma. Il y a quelque chose de très lié à ça. Ah, nous sommes très liés au Cantonais. Oui, ben vous savez, j'arrive pas à comprendre. J'ai de la difficulté à ceux qui parlent, vous savez, le mandarin, il y a trop de sons aspirés, j'arrive pas, les syllabes sont moins claires, c'est pas pareil. Par contre, le cantonais, c'est plus doux, je trouve, à mes oreilles, pourtant ça sonne plus coupé, plus coupant. Mais les Hongkongais aussi, moins. Mais là, il y a quelque chose de lié aux Britanniques qui font que. Mais. Encore là, par rapport au commerce, Hong Kong, j'ai pas eu les mêmes problèmes de communication qu'avec d'autres Chinois d'ailleurs. Mais là, vu qu'il y a eu la rétrocession, là, sans vouloir traiter les Hongkongais de Chinois au sens où ce que ça veut dire maintenant, là. Donc, je parle aussi cantonais. Petite, l'opéra chinois, ça me cassait la tête jusqu'à ce que j'apprenne à apprécier après le mort de A. De votre père. Vous savez, mon opéra préféré, moi, c'est celui de la princesse Fleur. Puis, oui, ben, on s'habitue, mais je vous avoue que moi, ça ne m'a jamais cassé les oreilles. J'ai toujours aimé ça. Mais, je ne sais pas, peut-être tout simplement parce que, assez jeune, j'ai eu un intérêt. Mais, à mes yeux, l'opéra cantonais, au niveau là, des différents types d'opéra que j'ai eu à entendre, là, et c'est celui que je trouve le moins déplaisant, là. Pas que c'est déplaisant, mais des fois, j'avoue que il y a certaines parties là, que c'est juste des dialogues, là. Là, je trouve ça long. J'aime ça quand il y a de l'instrumental beaucoup, là. Vous savez, là, le banjo, là, les petits violons, c'est tout petit, là. C'est un peu, ça sonne un peu comme un gros moustique, là. Il y a tout le temps, il y a un soliste qui joue du maringouin. J'aime beaucoup ce son-là. Puis il l'a pas dans les autres types d'opéra que l'opéra cantonais. En tout cas, j'ai jamais entendu ce son-là, le plus strident, plus. Mais Je sais que, en tout cas, dans mon entourage, par contre, là, je ne peux pas en faire jouer d'opéra cantonais. Ça m'est interdit. J'ai récupéré alors ces fragments d'âme, ces mémoires. Oui. Ben oui, qu'on le veuille ou pas, au-delà de la forme, il y a des choses par rapport qui sont liées à l'âme, donc certaines vibrations, puis il va y avoir des sympathies mémorielles comme ça. Quoique parfois, ça peut pas être. D'autres fois, ça peut pas être explicable. Ça peut pas être explicable. Comme par exemple, pourquoi justement là, nous sommes à parler de tout ça. Parce que dans mon cas, c'est moins explicable. Là. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi j'ai une sympathie culturelle liée à de la mémoire comme ça. J'en ai aucune idée, en fait. Puis ça date vraiment de l'enfance. J'ai toujours eu une sympathie. Puis c'est plus tard que je me suis rendu compte que j'avais une sympathie pour certaines régions spécifiques. Puis certaines cultures spécifiques à travers d'autres cultures. Puis que je me suis rendu compte qu'au fond, même j'avais un certain dédain pour certains aspects de la Chine, là, certaines régions que j'aime pas du tout, que je sens pas de sympathie. Je t'avais parlé de l'ajustement et la gestion des mémoires par le chant. Oui, ben j'ai longtemps été fascinable par la musique, mais maintenant j'avoue que j'ai plus la même sensibilité. Puis pourtant, j'ai justement joué plusieurs instruments de musique. Puis finalement, une fois que ça a été, peut-être que j'ai détruit certaines mémoires, je sais pas. Mais je me souviens pas, par contre. Oui, ça se peut. Est-ce que ça se pourrait que ce soit par courriel? L'humain est un anthropomorphe, néoténique, ignorant qui est anthropomorphe, néonétique, ignorant. Faut que je relise ça, là. L'humain est un anthropomorphe néoténique, ignorant qu'il est anthropomorphe, néoténique, ignorant. OK. Ouais. Comment je pourrais dire ça? C'est quoi de l'ignorance? L'ignorance, ça serait lié à la connaissance. Parce que le savoir étant pas lié. C'est là que je me dis. Un anthropomorphe. Mais oui, mais c'est lui qui anthropomorphise. Donc, est-ce qu'il serait pas plus un anthropoïde? C'est quoi un anthropomorphe au fond? C'est par rapport parce que. C'est l'être humain en tant qu'anthropoïde qui se donne lui-même comme référence. Donc, je ne sais pas, il faudrait que je regarde ça de plus près, là, ce que vous me dites là. C'est un grand voyage. Oui. Là, je ne sais pas de quoi vous parlez, là. C'est un grand voyage. Est-ce qu'on n'est pas sur le point d'arriver à destination? Peut-être que, justement, c'est le voyage, le but. Peut-être que le parcours est plus important que la destination. De toute façon, on n'est jamais arrivé. Je sais pas. Vous êtes en train de me perdre dans des affaires. Tu as beaucoup à apporter à ce niveau, à part l'ambidexie, l'isométrie inverse, les prises en main et tes micro-états, tiens. OK. Les gens de Chen Yang et de Duandong aussi sont très sympathiques. Oui, mais ce que je veux dire par là, vous savez, les gens de partout sont sympathiques. Mais il va y avoir des sympathies plus fortes. Pourquoi? Parce que il y a ce qu'on pourrait appeler la mécanique des âmes. Elle est aussi des mémoires collectives. Donc, est-ce que, ben, mais tout le monde de partout est sympathique, mais ça dépend tout le temps. C'est là que ça devient particulier. Ça dépend pour qui. Il y a des bonnes chances que, je sais pas, moi, si je m'en vais au Danemark, que je trouve pas que tout le monde est si sympathique, mais que je vais trouver que tout le monde est très gentil avec moi. Mais j'aurais peut-être pas, les mêmes sympathies. Il y a un commerçant à un moment donné à Toronto qui était persuadé que je venais du Mexique, que j'étais un Mexicain. Puis là, il me parlait, ah, oh, Mexico City. Puis j'ai jamais osé le contredire. Donc, si, si, Mexico, Mexico City. Il doit être décédé maintenant. C'est un monsieur très âgé. Mais c'est envers d'autres personnes, j'aurais probablement, je me serais peut-être offusqué en disant non, je ne suis pas. Donc, la sympathie pour des lieux depuis l'enfance est intéressant pour y aller voir. À chaque fois que j'ai voyagé, que je suis allé quelque part, je me suis rendu compte que c'était exactement comme je le pensais. Donc, j'ai cessé de voyager. Qu'est-ce qu'un néothénique? Moi, je ne sais pas du tout. Ah, je viens de recevoir un colis. Bon, je vais vous laisser là. C'est peut-être un. Je fais pas de cadeau à Noël, mais là, pour une fois cette année, j'avais l'intention d'en faire. Donc, c'est peut-être ça. J'étais un bébé. Série X, qui a souri très tard. Ce fut un événement pour mes parents. J'observe beaucoup. Aujourd'hui, je ris avec des personnes choisies ou mais c'est rare. L'absurde m'aide. Ça me surprend, ça. Vous êtes un bébé qui a souri très tard. C'est intéressant, ça. Il faudrait à un moment donné, Marco Vachon, il faudrait à un moment donné, moi je trouve ça intéressant en tout cas, ben, franchement, le fait que d'avoir souri tard, parce que ça peut être signe de plusieurs choses intéressantes. Les Chinois ont inventé la poudre, mais j'aime bien les pétarades de Noël. Oui, ben vous savez, dans les vieux livres d'alchimie, les plus anciens où on donnait les premières recettes de poudre, c'était clairement écrit à ne pas faire, de ne pas le faire, de pas réaliser, que c'était des recettes dangereuses. C'est parce que ça date d'avant qu'on a trouvé des fonctions. À quoi faire avec? Mais c'est les alchimistes chinois qui ont été qui ont découvert la poudre à canon possiblement par accident. Puis c'était souvent écrit là avec des gros avertissements là à ne pas faire, ne jamais faire ces recettes-là. Heureusement qu'il y a des gens qui sont passés outre, ben, heureusement ou pas, pour finalement trouver, vous savez là, les premières fusées ont été créées pour la guerre. Puis ça devait être très impressionnant. Je veux dire, imaginez, là, vous êtes dans une armée, puis vous faites face à une autre armée, puis ils ont une arme tout à fait inconnue qui envoie sur vous des explosions, là. Peut-être était-ce ma programmation qui m'a connecté à la Mandchourie et vous, contenez. Ah, peut-être. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus de difficultés avec les Mandchous. Puis même, vous savez, le fait là qu'on est obligé de porter des masques, là, c'est pas sans rappeler quand a été imposée la natte, qui était un symbole de soumission au nouvel empereur, qui était Manchu. Puis je vois un parallèle à faire avec les masques. Puis des fois, je me dis que peut-être j'aurais eu des problèmes. Dépendamment le contexte, on m'avait imposé ça. Donc. Ah, néothénique immature inachevé. Ah bon, là, ça pourrait donner une lumière à ce que je lisais plus haut. Il faudrait que je retourne voir. Sérieux, désolé des erreurs de frappe. Peux-tu m'en dire plus? Oui, ben le fait d'être un enfant qui sourit tard, ça peut indiquer une certaine maturité à mes yeux, là, par rapport, justement au rapport aux autres. Comme ça peut indiquer d'autres choses. Comme ça peut indiquer d'autres choses. Il se resterait à voir, est-ce que vous étiez un bébé qui pleurait beaucoup ou pas? Est-ce que vous dormiez facilement à la noirceur sans avoir besoin de veilleuse vers l'âge de 2-3 ans? Puis un paquet d'autres détails. Mais parce que par rapport là, à la communication avec les parents, il y a certains bébés qui vont pas sourire, mais pas parce qu'ils en sont incapables, Mais tout simplement parce que à un autre niveau, puis plus tard aussi, on se rend compte qu'au niveau de la communication avec les autres, il y a une maturité différente. Puis bon. Je ressens que tu as sûrement eu des mémoires d'inhibition dues à des traumas. Tu apprends la désinhibition. Non, au contraire, vous savez, moi j'étais. Il a fallu que je devienne très, très, très. Non, enfin, je disais absolument tout ce que je pensais sans filtre. Puis j'étais trop franc, j'étais trop honnête. Tellement que ça amenait des problèmes. Ça amenait des problèmes, comme à un moment donné. Même j'étais précoce, là, j'avais une intelligence précoce. Puis quand même mes parents étaient pas francs ou étaient pas honnêtes pour des raisons sociales, ça me mettait en colère, puis je parlais à leur place. Puis là, il a fallu que j'apprenne à m'inhiber. Vraiment, là, parce que c'est comme, par exemple, là, si un adulte, le téléphone sonnait, puis il dit, oh, ça doit être un tel, j'ai pas envie d'y parler, puis là, je partais pour répondre, puis il dit que je suis pas là. Je prenais le téléphone, puis je disais, il fait dire qu'il est pas là, puis je raccrochais. Ou, parce que ça me mettait en colère. Ou, par exemple, ma mère avait eu affaire à une vendeuse avant, puis à un moment donné, elle était à la porte, puis ma mère disait, oh, j'ai pas envie de la voir aujourd'hui, puis je m'étais lancé pour répondre avant elle. J'avais ouvert la porte, puis j'avais regardé la dame, j'avais dit, ma mère veut pas vous voir aujourd'hui. J'avais 3 ans. Sérieux, des hockey? Ouais, ben oui, Mathieu, c'est forcément inachevé. La gardienne d'enfants devenait cruelle contre eux, comme une image de la vieille égrégore de l'humanité devenant indépendante en fin de cycle et se retournant contre ses créateurs. Moi. Moi. Ah oui, j'avais parlé de ça avec David. Sourire tard dans l'enfance, je suis vraiment intéressé à entendre parler du sujet. Oui, ben ça peut venir aussi d'un trouble lié à un manque de confiance avec les parents. J'ai déjà vu ça, un cas comme ça, mais bon. Ah, je répondais pour Marco Vachon pour la désinhibition. Ah, des fois, je vois pas. En plus, vous avez la même couleur. L'un, c'est un M, l'autre, un W. Donc, j'étais très calme et facile. C'est comme si j'observais mon environnement. J'avais aussi une intelligence précoce et beaucoup de sensibilité. Bon, ben, vous, monsieur Vachon, vous avez probablement vécu aussi des expériences intéressantes là, de bonheur. Dans le sens, je serais pas surpris aussi que vous ayez une tendance au rêve lucide, des choses comme ça. Mais j'assumais que j'étais anormal. Oui, mais même là, ça peut être lié au fait que dans l'enfance, la conscience d'être anormal, il n'y a pas encore eu le côté influence sociale d'un surmoi qui désapprouve sa propre anormalité. Donc, c'est pas pareil. Ça dépend, là. Ça dépend. Est-ce que c'était le fait que vous assumiez ou parce que vous donniez pas une importance à ça comme socialement d'autres en donnaient une? C'est pas pareil, là. Donc, mais c'est intéressant ça, parce que vous êtes possiblement quelque chose. Ben, je ne sais pas si vous connaissez un peu Marc de la Salle, puis Daniel Kemp, qui ont parlé d'enfants différents. Puis il y a sûrement des. C'est certain que. C'est certain que ça a une certaine importance. Bonjour, Zorahel. Je vais devoir vous quitter dans pas longtemps parce que je veux voir mon colis. Je veux voir ce que c'est. Puis, mais aussi, je vais devoir commencer à me préparer à dîner. Mais oui, il y a Daniel Kemp qui a parlé de les enfants Teflon. Puis, l'enfant Teflon, c'est certain, il n'y a pas le même rapport à autrui. Moi, je ne l'ai jamais lu, hein. J'ai jamais lu. Il a écrit 2 livres sur les enfants Teflon, puis je ne les ai jamais lus. Mais je peux comprendre ce qu'il veut dire. il va y avoir une certaine imperméabilité aux influences. Dans le sens qu'il va avoir une observation de la mécanique sociale plus qu'une influence inconsciemment subie par l'influence. Donc, il y a là, si on peut dire, quelque chose, une certaine objectivité nouvelle. On pourrait parler de petits-enfants sociologues qui ont une certaine objectivité. Puis là, ça devient intéressant. J'ai des mains très particulières, très très longues, et l'index est très séparé du majeur, avec la ligne d'amour qui semble découper la peau entre ses deux doigts. Difficile à écrire, je n'ai jamais vu. Ah, ben vous savez, je connais pas trop c'est quoi ça? C'est de la chiromancie, c'est tout ça? Mais je suis pas très calé là, dans tout ce qui est physiognomie, là, ces choses-là. Mais il y a possiblement. Je pense aussi qu'il y a des corrélations entre la densification physique du corps puis d'autres choses de plus subtiles. Comme l'ADN, à mes yeux, j'ai toujours vu l'ADN comme une densification de l'âme, étant donné que c'est de la mémoire, c'est lié à du karmique aussi, on hérite de nos gènes. Donc, oui, c'est sûr que ça a une certaine importance, mais je vous avoue que j'ai jamais étudié ça. Mais j'arrive un peu tard, moi peut-être, mais j'ai fait ça de bonne heure aujourd'hui. Très intéressant ce soir, merci. Ah bon, ben, joyeux Noël à vous. C'est drôle, je pensais être moins intéressant. Des mains similaires, et je me demande pourquoi j'ai cette particularité très nette. Vous voulez dire similaire à quoi? Je vais checker Enfant Teflon. Le titre m'a toujours un peu repoussé. Ouais, je vous avoue que moi aussi, d'ailleurs, je ne l'ai jamais lu. Je l'ai eu entre les mains en le livre. Le premier, le deuxième, puis je ne les ai pas lus. Bon, paraît que ça pourrait être signe d'ingestion, fuite du domaine financier. Vous répondez à la Vestale, mais des mains similaires, je me demande pourquoi. Mais au niveau là, d'un destin par rapport à des secteurs comme. J'avoue que là, je deviens plus sceptique. Bon, ben, bonjour, Tammy. Voyons, ma voisine d'en haut, elle piétine fort. Mais oui, ben, vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué quand je suis allé voir, quand j'ai vu André Moreau. Puis, j'ai remarqué que pendant un bref instant, il m'avait regardé les mains. Puis, possiblement, qu'est-ce qu'il regardait, c'est. Vous savez, là, ça ici, là, je ne sais pas si on voit, là, ce qu'on appelle la lune ici. Donc oui, mais moi j'en ai sur chaque doigt, mais oui, il y a sûrement quelque chose par rapport aux mains. Mais ça a été tellement dénigré puis montré comme des sciences trop abstraites, pas empiriques vraiment, puis mais. J'avoue que aussi, moi aussi, je vais donner une certaine importance à ça, mais bon. Kemp parle de l'enfant nouveau. Oui, Daniel Kemp, à mes yeux, plus important qu'on pourrait. Ben là, important, dans le sens que il n'y a pas beaucoup de reconnaissance hein, dans notre milieu, je trouve. En tout cas. Peut-être que c'est mieux comme ça. Jamais vu personne avec des mains similaires. On dirait plus des mains venues d'Afrique, alors que je suis occidental. Ah oui, j'ai toujours trouvé que les Africains là, avaient des longs doigts noueux. Mais ça peut vous rassurer, j'ai une de mes tantes qui a des longs doigts noueux. C'est vraiment surprenant, là. En tout cas. Donc, je vais y aller. Cette découpe entre l'index et le majeur. Voyons, vous m'intriguez là avec vos histoires de. Ah oui, vous avez la ligne de vie qui remonte jusqu'entre les doigts au lieu de tourner vers le pouce. Puis même là, ce que c'est la ligne de vie, ça? J'ai jamais étudié ça. La lunule, moi. Ouais, vous savez, ouais, même moi, vous me rendez curieux, là. C'est intéressant, mais c'est intéressant. C'est parce que c'est ça, c'est bien ça, c'est de la chiromancie, si on peut dire, mais c'est aussi de la physiognomie. Peut-être pas comme l'avatar, ces choses-là, mais. Moi, j'ai jamais porté autant d'attention à ça, vraiment. Je veux toujours vu ça comme des choses anciennes que je ferai jamais rien avec ça, pour être franc avec vous, là. Mais c'est certain que le corps est en densification, si on peut dire, parce que l'incarnation, c'est un peu c'est un corps quand même. Le corps physique, c'est le corps le plus objectif. Mais oui, une chiromancienne réputée m'a lu les mains une fois. La blague, c'est qu'elle a refusé de me dire ce qu'elle avait vu. Et ne m'a rien fait payer. Un tour de passe-passe, j'ai jamais eu le fin mot. Ah. Il y avait le père de ma mère qui est un petit comique, là. Quand ma mère amenait une amie à la maison quand elle était enfant, elle lui disait, moi, je lis les lignes des pieds. Puis là, la petite fille, elle enlevait son bas, là, son soulier, puis son bas, puis elle lui montrait ça, puis elle dit, il dit, là, je vois que dans le présent, t'es déchaussé, puis que dans le futur, tu devrais rester chaussé. Puis c'était ça, sa blague. Un grand-père maternel un peu insignifiant qui aime sourire, dit. En tout cas, c'est la ligne de tête argent qui fait entre les monts Marceau. Vous savez quoi? Ça veut dire que l'homme nouveau va être capable d'aller contre les lignes de sa main. Parce qu'on peut pas les recon ils peuvent pas se reconfigurer. Si quelqu'un transmute ses corps au point de devenir son propre programmateur, est-ce que les lignes de ses mains vont changer? Ça voudrait dire que quelqu'un qui entrerait dans une vraie créativité viendrait à bout de modifier les lignes de ses mains. Si ça, c'est une science. C'est là où je deviens. Le corps, c'est notre carte, oui, mais justement, l'homme nouveau va aller au-delà de sa programmation de base. Donc, oui, les mains révèlent beaucoup de chaque personne, mais. C'est parce que vous savez, ça revient à penser qu'il y a un destin, c'est-à-dire une programmation fixe, puis qu'il ne peut pas avoir un accident d'intégrer autre chose puis d'aller au-delà. Vous voyez? C'est là où. Ah, les dents de sagesse. Donc, admettons là, on prend quelqu'un là, que vous dites que les mains sont placées comme quoi qu'au niveau financier, il y a telle programmation. Si cette personne-là s'initie dans son expérience au point de voir une programmation, de l'intégrer consciemment au niveau d'une conscience intégrale, puis d'aller contre sa programmation, ça ne va pas changer les lignes de ses mains. Donc, le corps physique à ce niveau-là pourrait devenir trompeur. Donc, c'est là où je décroche un peu de ces choses-là. Donc, puis même quelqu'un qui étudierait ces sciences-là, puis qui se mettrait à y croire au sens d'une croyance, là, je ne dis pas qu'il n'y a pas du réel là-dedans, est-ce qu'il ne va pas s'auto-conditionner à suivre les programmations qui sont manifestes au niveau de son corps? Moi, je vous pose la question. Admettons, là, la personne, je ne sais pas, moi, elle a une ligne de vie qui dit qu'elle va mourir jeune, puis qu'elle se met à croire à ça. Est-ce qu'inconsciemment, elle ne pourrait pas se créer une suggestion ou même subir inconsciemment une suggestion collective liée à cette information-là qui va la programmer à mourir plus jeune? Est-ce qu'il n'y aurait pas là quelque chose qui pourrait justement faire partie des lois de la programmation, mais au sens involutif du terme. Je vous pose la question. Donc, mes paumes ont tellement de lignes qu'une fois un chiromancien n'arrivait pas à lire. Ah, c'était écrit trop petit. Au-delà où la réintégrer en sachant la programmation. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, il y aurait peut-être possibilité d'intégrer la chose semble avoir à briser la forme parce qu'on peut pas. Mais quand même, la personne irait contre la programmation, devenue créative, irait contre la programmation et contredirait ses propres mains. Il y aurait quelque chose là, il y aurait une sortie de quelque chose d'involutif. Tu surpasses la programmation étant être transitif. Quand bien même tu es sur le fil rouge, tout va bien. Tu m'ajustes en toute conscience. Ben, c'est que toutes ces vieilles sciences-là, comme la chiromancie, par exemple, il y a quelque chose d'involutif là-dedans. Dans le sens que, une fois qu'on a compris certaines règles de la programmation, puis du destin, puis que c'est intégré, est-ce qu'on ne peut pas briser ces formes-là pour aller au-delà, puis d'entrer dans une réelle créativité, dans le genre, même si ma ligne de vie dit que je vais mourir jeune, je vais mourir vieux. Il doit y avoir des vieux cadavres qui ont des mains qui disent le contraire du vécu. J'ose l'espérer, en tout cas. Mais sachez la programmation, serions-nous encore objectifs? Ben de pas la savoir, c'est subjectif. De la savoir, il peut y avoir interprétation. Mais c'est certain que je ne voudrais pas, moi, être condamné à suivre une carte. Celle de mes mains, par exemple. Je veux entrer dans une vraie créativité, puis peut-être même aller contre. Donc, merci, ça aide de nommer ce qui se passe, intégrer, puis passer à d'autres sujets. Moi, dans la BD d'Hugo Pratt, Corto Maltese enfant se taille les mains avec un couteau pour déjouer son destin. C'est un petit peu violent, ça. Ben, franchement, de toute façon, oui. Ben, ça montre, il y a une volonté de pas subir un destin, mais on voit le côté subjectif parce que, au fond, les lignes des mains sont pas inscrites dans les mains, mais dans les gènes. C'est-à-dire, c'est comme, si je prends un gaucher puis que je lui coupe les deux bras, il va rester gaucher quand même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce que c'est inscrit dans les gènes puis dans le cerveau, au fond. Donc, oui et non. En initiation lunaire, on subit la programmation. En initiation solaire, on s'en sert pour la transmuter. C'est ce que je pense. Mais est-ce que les lignes vont changer? Est-ce que les lignes des mains vont changer? Certainement pas. Donc, c'est ça, il va falloir aller au-delà là, de. Ah bon. Vous savez, là, tu pointes des choses intéressantes à l'au-delà de la programmation. Cela devient un dialogue avec des espaces nouveaux et probablement l'homme tout court. Moi, ben c'est que je pense que d'étudier certaines choses peut les densifier, puis devenir de l'autosuggestion. C'est comme un enfant obèse à qui on répéterait que c'est lié à un trouble de ses glandes, puis que cette famille, tout le monde est gros dans la famille, c'est pour ça que tu es gros. Alors que je pense que n'importe qui devrait avoir la capacité créative de, ben là, selon cet exemple-là, de maigrir. C'est comme quelqu'un qui serait alcoolique, on lui dirait, ben oui, mais vous êtes une famille d'Irlandais, puis vous êtes tout alcoolique depuis toujours. Il va falloir à un moment donné que quelqu'un brise la programmation dont il a hérité, même génétiquement, parce que la conscience intégrale, ou de plus en plus intégrale, doit aller au-delà de ça. C'est pas juste de la mémoire qui se réincarne, puis qui donne des formes à un corps. Il faut que le corps soit habité de plus en plus, puis qu'il y ait une gestion qui se transfère des programmes vers une certaine créativité. Sinon, on est géré par des programmes. Puis ça, les mains, c'est quelque part, c'est de la programmation. C'est là où je dis, moi, il va peut-être falloir sortir d'une vue involutive pour entrer dans de l'évolutif. Parce que c'est intéressant, ça en dit long. Si c'est intéressant, on s'en dit long sur la programmation, là, c'est correct. Mais si on considère que ça, c'est quelque chose de fixé dans le béton, là, je deviens un peu plus. Elles deviennent des cartes des yeux. Oui, c'est ça. Il faut que la programmation devienne désuète. pour qu'entrer dans une certaine créativité. Les lignes des mains ne changeront pas, car on s'en foutra. Et du coup, ce sont les lignes de l'espace-temps qui changent. Ça voudrait dire que il y a un changement au niveau des véhicules de perception. Plus ça va rapidement au niveau de la perception, plus le temps semble ralentir autour. Donc, est-ce que c'est vraiment l'espace-temps qui change? Peut-être que le véhicule, vous savez, là, comme un véhicule qui va très très vite, va engendrer peut-être un ralentissement du temps à l'intérieur du même véhicule. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai deux livres de Daniel Kemp sur l'enfant Teflon, je peux les donner. Ah ben oui, ben quand je vais aller voir mon petit colis, ben vous pouvez continuer, je pense, à vous écrire sur le chat. Au pire, vous pourrez vous écrire aussi, vous copiez l'adresse en haut, vous pouvez continuer à vous écrire. Brisez donc aussi la programmation des gènes transmis par nos parents. Oui, ben il y a l'épigénétique. Il y a l'épigénétique. Prenez une famille d'alcooliques. Ils ne sont pas alcooliques depuis la nuit des temps, puisque dans des temps reculés, il n'y avait pas d'alcool, possiblement. Donc, c'est au niveau de l'épigénétique environnementale que cette tare-là s'est imprégnée. C'est du karmique concret, là. Donc, cette faute-là, si vous voulez, cette tare-là se transmet d'une génération à l'autre jusqu'à ce qu'il y ait un membre en particulier qui ait la capacité d'être plus... C'est drôle, il m'était venu quelque chose ce matin par rapport à ça. Mais prenez, là, la mère de mon père est morte à cause du tabagisme. Ensuite, mon père est mort à cause du tabagisme. Et puis moi, finalement, j'ai cessé de fumer. Je vais peut-être mourir d'autre chose, mais juste le fait de voir qu'il y avait une programmation dans ma famille m'a mis suffisamment en colère pour que je le transmute en volonté jusqu'à un certain point, de me programmer tranquillement, pas vite, au fait que j'allais pas fumer toute ma vie. Quelque part, là. Mais bon, c'est la même chose pour tout. Astrologie, cartologie, whatever, à nous de prendre en main ces programmations en tant que développeur connaissance. Moi, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis allé dire quelque chose qui a dû en choquer plusieurs. J'ai dit, je préfère que les gens aient à la messe que de courir les tireuses de cartes et les astrologues. C'est-à-dire que à étudier la programmation, on s'y soumet, je pense, inconsciemment, sans s'en rendre compte. Quoique c'est de la programmation aussi d'aller à la messe, mais au moins... Il y a une possibilité de... Il y a quelque chose de social puis de familial là-dedans que je trouve plus utile que de courir des tireuses de cartes. Connaître les outils, oui. Oui, ben il y en a peut-être qui vont dépasser les outils en n'y accordant pas d'importance, puis d'autres en y accordant de l'importance un temps. Comme s'il fallait les digérer. Si tu récupères ces livres, c'était pas à moi. Donc, moi, je vais vous laisser. Puis, ça fait combien de temps, là? 2h07. Bon, c'est bien correct, ça. Je vais aller commencer à penser à dîner. Mais je vais aller voir mon petit colis, là. En tout cas, je vais vous souhaiter une bonne journée, puis un joyeux Noël. Puis, merci à tous. Donc, je crois que vous pouvez continuer à discuter un peu entre vous là par après. Donc, bonne journée.